L'orpheline de Moscou. Deuxième partie, chapitre 5. Mark Endan, wordpress.com. D'après les archives du Carmel de Lisieux en ligne. Licence Creative Commons, partage à l'identique, usage non commercial. Chapitre 5. Les devoirs ne sont jamais si énergiques que quand il en coûte à les remplir. Chateaubriand. Décidé cependant à se soumettre à la volonté de son protecteur, Juliette se hâta de dresser un plan d'éducation, qu'il lui fut aisé de calquer sur celui que sa mère avait suivi. Ce plan, adopté dans tous ses détails par messieurs de Bonnier et de Granville, fut communiqué ensuite à la baronne, qui s'abstint d'y faire aucune objection, parce que, son mari devant partir incessamment, elle se promettait d'y apporter toutes les modifications que lui suggérait son étrange faiblesse pour sa fille, et son dégoût pour le nouveau genre de vie, que l'on voulait faire suivre à cet enfant. L'institutrice entra donc en fonction, et chercha d'abord à captiver le cœur de son élève, en lui montrant autant d'affection que de douceur. Les choses allèrent à merveille tant que le baron, soutint par sa présence l'autorité dont il l'avait investi, mais un ordre de départ pour l'armée d'Allemagne, l'arracha peu de temps après à sa famille, et la pauvre Juliette vit bientôt se réaliser, toutes les craintes qu'il avait agitées. Monsieur de Granville, avant son départ, avait pris soin cependant d'exprimer sa volonté d'une manière claire et précise par rapport à sa fille. Il avait exigé que la baronne lui promît de ne mettre aucun obstacle aux études de cet enfant, et de s'abstenir surtout de l'emmener avec elle, dans les fréquents voyages qu'elle faisait à Nancy ou dans les châteaux environnants. Toutes ces recommandations avaient même été faites devant Lucie, et il partit, espérant que chacun s'y soumettrait, mais il se fut à peine éloigné, que les goûts de dissipation se réveillèrent chez la mère, et la fille avec une nouvelle ardeur. Il s'agissait alors, pour s'y livrer avec plus de sécurité, de les faire partager à la jeune institutrice, et d'endormir aussi la surveillance du vénérable ami de Monsieur de Granville. Cela ne parut pas impossible à la baronne, car la légèreté naturelle à son caractère, l'empêcha souvent de saisir les inconvénients ou les difficultés des projets inconsidérés qu'elle formait. Un matin que Lucie et Juliette vinrent ensemble dans son appartement, elle dit à cette dernière, « Ne trouvez-vous pas que les joues de ma fille ont déjà perdu de leur fraîcheur ?»« En vérité, mon mari a beau dire, je pense que l'excès du travail, auquel on l'a nouvellement assujetti nuit essentiellement à sa santé. Les études doivent se mesurer sur les forces de ceux à qui on les impose, il faut marcher par gradation, sans quoi on risque de tout perdre en voulant tout obtenir. Je veux donc absolument que ma Lucie se repose, pendant quelques jours du moins. Vous-même, ma jeune amie, vous me semblez fatiguée. Je ne prétends pas que vous soyez astreinte à une tension d'esprit continuelle, quelques distractions vous sont nécessaires, et je compte vous faire partager toutes celles dont je jouirai moi-même. » Pour plaire à Monsieur de Granville, qui avait encore restreint nos relations depuis la campagne de Moscou, je me suis vue condamnée ici à une solitude presque absolue, mais je viens de recevoir une invitation pour une fête charmante, que doit donner sous peu de jours une de mes amies. Toute la province y sera, vous y viendrez avec ma fille, et je vais donner des ordres, pour que vos toilettes ne laissent rien à désirer, je veux, continuait-elle en prenant affectueusement la main de Juliette, que chacun admire comme moi ma jolie moscovite. Ah! Madame, répondit cette dernière, le souvenir de l'affreux malheur, qui m'a frappé est encore trop présent à mon cœur, pour que la vue d'une fête puisse tarir mes larmes, ce serait pour moi, au contraire, un redoublement de tristesse. D'ailleurs, ma situation, comme les vêtements de deuil qui me couvrent, me fait une loi impérieuse de fuir des plaisirs que je n'ai jamais enviés, et qui ne sont pas toujours sans danger, m'a-t-on dit, pour ceux qui les recherchent. Quant à l'assiduité de mes soins pour notre chère Lucie, loin d'en souffrir, j'y puise la seule distraction qui me convienne, je ne pourrais d'ailleurs rien en retrancher sans un préjudice réel pour cet enfant. Vous savez, madame, qu'elle est arrivée à l'âge où la perte du temps est un mal irréparable. Le plan qui a été adopté, nous interdit toute dissipation qui tendrait à interrompre nos études journalières, et je serais désolé qu'elle ne le considérât pas comme une règle absolue de sa conduite. Du reste, la santé de Lucie ne souffre nullement, nous avons plusieurs récréations dans la journée, de fréquentes promenades, et vos alarmes, madame, ne prennent, je crois, leur source que dans un excès de tendresse. Vous me permettrez cependant, mademoiselle, interrompit vivement la baronne, de me considérer comme devant être juge compétent en pareille matière, et je vous déclare que je ne veux plus que ma fille soit continuellement astreinte au travail. Elle a joui jusqu'ici d'une entière liberté, elle a partagé les rares distractions que j'ai pu me procurer depuis que l'on m'a confiné dans cette espèce de désert, je veux qu'elle les partage encore. Vous êtes maîtresse de vous en abstenir, mais assurément je ne vous accorderai pas le droit de les interdire à ma fille, ni celui de me priver d'elle, quand il me conviendra de jouir de sa présence. À Dieu ne plaise, madame, répliqua l'orpheline avec dignité, que je veuille m'arroger ici des droits, qui vous appartiennent tout entier, je n'avais pour objet dans l'opinion que j'ai osé émettre que l'intérêt de mon élève, du moment que cette opinion n'obtient pas votre approbation, il ne me reste qu'un seul parti à prendre, et je me dois à moi-même de ne point hésiter à l'adopter. Se levant alors, elle sortit en saluant profondément Madame de Granville, et se rendit dans son appartement, où elle fondit en larmes. C'était la première fois que la pauvre enfant avait eu à lutter, d'une manière aussi pénible, contre celle qu'elle considérait comme sa bienfaitrice, et il avait fallu que le devoir lui en fît une loi, pour qu'elle eût été capable d'un tel effort. Sa résolution était prise cependant, elle devait s'éloigner de Lucie, quelle que fût déjà l'amitié qu'elle lui portait, plutôt que de souffrir que l'on continue à lui donner des goûts de dissipation, c'était là ce qu'elle avait voulu faire entendre à Madame de Granville en la quittant. Pendant qu'elle était tristement occupée des moyens de faire consentir Monsieur de Bonnier à son départ, sans être forcée d'accuser la baronne, cette dernière ouvrit sa porte et se présenta devant elle. Son humeur durait toujours, mais, en voyant les pleurs de la jeune fille, sa bonté naturelle prit le dessus, s'arrêtant fort troublée, elle demanda avec douceur à Juliette, le sujet de son affliction. « Je gémis, madame, d'avoir perdu en si peu de temps, la bienveillance dont vous vouliez bien m'honorer, et d'être forcée de me montrer ingrate envers vous, lui répondit l'orpheline. Je ne vous comprends pas, ma chère enfant. Il m'a semblé tout à l'heure que vous aviez fini par céder à mes désirs par rapport à Lucie, et dans ce cas je ne vois pas pourquoi, je vous retirerai une amitié, dont jusqu'ici vous vous êtes montrée si digne. La question que vous agitiez, madame, était trop délicate pour la pousser plus loin devant mademoiselle votre fille, qui doit avant tout respecter votre volonté, néanmoins vous avez dû comprendre quelle devait être ma résolution. Voilà justement sur quoi je voulais vous faire expliquer, reprit la baronne feignant toujours de ne pas la comprendre, parlez donc maintenant, voyons enfin si nous nous entendrons. Je m'entendrai toujours avec vous, madame, sur l'éternelle reconnaissance que je vous dois, mais je ne puis être d'accord avec vos désirs par rapport à mon élève. Monsieur de Granville et vous-même, avez voulu que je me chargeasse de lui faire réparer le temps qu'elle a perdu, cette perte est déjà considérable, et je ne pourrais, sans trahir mes devoirs, souffrir qu'elle l'augmentât en allant chercher dans le monde des plaisirs, qui nécessairement l'éloignerait de plus en plus de l'amour de l'étude que nous voulions lui inspirer. Ainsi, mademoiselle, votre soumission apparente n'était qu'un leurre que vous vouliez m'offrir. C'était, je le répète, madame, le désir de ne pas me montrer plus longtemps en opposition avec vous, me réservant de m'éloigner ensuite, puisque nous ne pouvions être d'accord sur un point aussi important. « Quoi, vous songiez à nous quitter ?» s'écria la baronne, mais, en effet, c'est là une véritable ingratitude. « C'en est du moins l'apparence, » reprit Juliette, « et c'est justement, madame, ce qui fait couler mes pleurs. En vérité, vous êtes une personne bien étrange. » Ne sauriez-vous donc concilier ce que vous appelez vos devoirs avec mes vues? Sans doute, je ne veux pas que ma fille reste ignorante, j'avoue même que les talents et le savoir me plaisent, mais, s'il fallait sacrifier à ces avantages le bonheur de mon enfant, je préférerais encore qu'elle sût moins, et que sa jeunesse fût plus heureuse. Si vous faites consister le bonheur de Lucie dans les plaisirs du monde, madame, je dois avouer à mon tour que je ne puis être juge d'un tel bonheur, puisque je ne l'ai jamais connu, pourtant jamais fille n'en goûtait un plus pur que celui dont je jouissais auprès de mes parents, et je crois, permettez-moi de le dire, que c'est là le seul véritable, le seul qui ne laisse après lui aucun sentiment pénible. Et qui soit entièrement d'accord avec nos besoins. À la bonne heure, mais remarquez, ma chère Juliette, que votre position devait être différente de celle de ma fille, le rang que tient son père, celui de ma famille me fout, une loi de lui donner d'autres idées, que celle dont il vous a nourri, chaque condition a ses exigences, et il faut que ma Lucie apprenne à vivre dès à présent dans la société où elle est destinée à figurer un jour. Je pensais, madame, que cette sorte d'apprentissage, ne devait commencer qu'après qu'elle aurait acquis, dans l'intérieur de sa famille, les vertus, l'instruction et les talents qui seuls, peuvent la faire distinguer dans le monde. Les plaisirs qu'elle ira y chercher maintenant ne sont propres, il me semble, qu'à la dégoûter de ceux qui conviennent à son âge, et à l'éloigner des études qui doivent, en éclairant son esprit, développer en elle l'amour du bien, et lui préparer pour l'avenir des jouissances que rien ne saurait remplacer. N'est-il pas à craindre aussi, qu'au milieu de ces dissipations que vous voulez prématurément lui faire connaître, elle ne rencontre de dangereux écueils, et qu'elle n'y puise enfin des goûts, des habitudes entièrement contraires à ses devoirs comme à son bonheur? Ici la baronne fit un mouvement, comme une personne qui se sent attaquée à l'improviste, car les dernières paroles de Juliette, lui rappelaient la légèreté de sa conduite, et, pour la première fois peut-être, elle sentit naître au fond de son cœur, le regret de n'avoir pas supplié ses goûts à ceux de l'homme estimable auquel elle était liée. L'orpheline ignorait combien de reproches Madame de Granville avait à se faire sous ce rapport, désolée de l'effet que son discours avait produit, elle s'arrêta un instant, et dit ensuite « Pardon, madame, je m'aperçois que mon zèle m'a entraîné beaucoup trop loin. Ce n'était pas à moi, pauvre jeune fille, qui n'ai encore acquis aucun droit à votre confiance, d'oser exprimer devant vous des opinions opposées aux vôtres, il fallait m'éloigner et me taire, mais mon affection pour votre enfant, et le souvenir de toutes vos beautés l'ont emporté sur la réserve que je devais me prescrire. Daignez me pardonner et me promettre de ne pas haïr celle qui eût été trop heureuse de reconnaître vos bienfaits par ses soins et son dévouement. Vous ne m'en ôterez pas les témoignages, lui répondit la baronne, car je ne souffrirai certainement pas que vous nous quittiez. Que dirait mon mari, s'il venait à savoir ce qui vous aurait porté à une telle séparation? Il me donnerait tort, j'en suis sûr, et voilà ce que vous m'auriez attiré par une résolution aussi étrange. Je pense, madame, que vous m'estimez assez pour croire que je vous laisserai entièrement maîtresse de la lui présenter sous le jour qui vous conviendra le mieux. Je vous crois en effet capable de tout ce qui est bon et généreux, reprit Madame de Granville en pressant la main de Juliette, mais si vous nous quittiez, ma fille et moi, nous n'en perdrions pas moins une amie qui nous est chère. Allons, mon joli mentor, écoutez-moi, c'est dans chacune quelque chose, et nous serons tout à fait d'accord ensuite, j'irai cette fois seulement, avec Lucie, à la fête où je suis invitée, puis après je vous l'abandonne pour ne plus vous la disputer. Qu'avez-vous à répondre ? Peu de choses, madame, car je sens que j'ai fort mauvaise grâce d'oser insister encore, même après la promesse que vous daignez me faire, mais, en restant l'institutrice de Lucie, je suis forcée de lui faire suivre exactement la ligne de ses devoirs, et ce serait souffrir qu'elle s'en écartât, si je la laissais désobéir à son père, qui, vous le savez, a expressément défendu en sa présence qu'elle retournât dans le monde avant que son éducation fût achevée. Il est vrai, mais pour une fois, il suffirait de cette seule fois, madame, pour donner à votre enfant l'idée qu'elle peut composer avec son devoir, il faut qu'elle apprenne à s'y soumettre, dès à présent, sans aucune sorte de restriction, si l'on veut qu'elle ait des principes arrêtés en fait de vertu. C'est pousser trop loin la sévérité. Comment voulez-vous qu'une jeune fille, de l'âge de Lucie, s'astreigne à ne jamais s'écarter un moment de ce qu'on lui prescrit? Il faudrait lui supposer un degré de raison, dont les personnes plus âgées ne sont même pas capables. Assurément, madame, ce n'est pas quelquefois sans de grands efforts que nous nous soumettons, quel que soit notre âge, à tous les devoirs qui nous sont commandés, mais plus cela est difficile, plus il importe de s'y habituer dès sa jeunesse. L'éducation chrétienne conduit ordinairement à ce résultat, quand nous sommes animés de l'amour de Dieu, et de la crainte de l'offenser, il est bien rare que nous n'ayons pas la force de nous vaincre. Tout cela est très bien, cependant vous conviendrez que je ne puis exiger maintenant de ma fille, le sacrifice d'un plaisir que je lui ai promis. C'est là un inconvénient, sans doute. Madame, mais vous pourriez, il me semble, revenir sur cette promesse, les raisons ne vous manqueraient pas, une mère d'ailleurs ne doit jamais avoir besoin de justifier sa volonté. Ainsi, mademoiselle, c'est votre dernier mot, vous prétendez que ma fille et moi, nous soyons privés de cette fête charmante? Car vous savez bien que je ne donnerai pas à Lucie le chagrin d'y aller sans elle. Je n'ai rien prétendu, madame, j'ai seulement exprimé une opinion que vous daignerez approuver, je l'espère, quand vous y aurez un peu réfléchi. Juliette souffrait évidemment en faisant cette réponse, et la lutte qu'on l'obligeait de soutenir lui devenait si pénible, qu'elle lui donnait tout au monde pour qu'il lui fût permis de quitter sur le champ, une personne dont les idées étaient si opposées aux siennes. Cependant la fermeté qu'elle venait de montrer dans cette circonstance, avait produit un tel effet sur l'esprit de la baronne, que, n'osant plus insister, elle sortit sans prononcer un mot de plus. Juliette crut alors que leur rupture n'était plus douteuse, et son cœur s'en affligeait, lorsqu'elle vit entrer Lucie tout en larmes, Ayant l'air si maussade, qu'elle jugea que Madame de Granville avait eu le courage de lui annoncer qu'elle n'irait point à la fête. « Vous paraissez affligée, ma jeune amie, vous serait-il arrivé quelque malheur ?» demanda l'institutrice. « Si ce n'est un malheur, c'est du moins une chose qui me donne bien du chagrin, mademoiselle, car vous conviendrez qu'il est très désagréable d'être forcé de renoncer à un plaisir que l'on nous a promis. C'est en effet une contrariété, ma chère Lucie, mais si vous vouliez reconnaître qu'au lieu d'une contrariété de ce genre, vous auriez pu être frappé par des afflictions réelles, par des adversités qui malheureusement, sont le partage de tant d'infortunés en ce monde, je pense qu'au lieu de vous plaindre d'une panne vous vouez ce petit sacrifice, afin de mériter qu'on vous en épargne de plus grands. Mais pourquoi maman m'a-t-elle promis que nous irions à cette fête? C'était donc pour me donner un chagrin à la place d'un plaisir? Vous m'affligez, Lucie, je n'aurais jamais cru que de telles paroles puissent vous échapper. Et quoi, vous l'objet de toute la tendresse de madame votre mère, vous osez former contre elle une telle supposition? C'est manquer à la fois à tous les sentiments que vous lui devez. Croyez-moi, repoussez loin de vous une pensée si coupable, quelle que soit la volonté de celle qui vous a donné la vie, songez que c'est toujours votre bien qu'elle a en vue, et qu'il faut vous y soumettre, comme à un ordre émanant du ciel même. Ah, je vous trouve bien heureuse de pouvoir suivre encore la volonté d'une mère. Par combien de sacrifices n'achèterais-je pas une telle félicité? L'orpheline n'avait pu prononcer ces derniers mots sans laisser échapper des larmes, qui touchèrent profondément Lucie, car, à travers tous les défauts que l'on avait laissé croître chez cet enfant, elle était douée d'une sensibilité qui ne demandait qu'à être bien dirigée pour devenir en elle une qualité charmante. Regrettant ce qu'elle venait de dire, et sincèrement affligée d'avoir réveillé les douloureux souvenirs de son institutrice, pour laquelle elle avait autant de respect que d'affection, elle resta pensive, puis tout à coup se jetant dans les bras de Juliette, « Pardonnez-moi, lui dit-elle, je vois maintenant combien j'ai eu tort de m'exprimer ainsi, mais je comptais si bien m'amuser à cette fête. Chère Lucie, ne la regrettez pas, il est des plaisirs beaucoup plus doux que vous ignorez encore, nous les chercherons, et je suis sûre que bientôt vous n'en voudrez plus d'autres. Eh bien, je vous promets de n'y plus penser, et de ne plus accuser maman, quand elle me refusera quelque chose. Allons la trouver ensemble, car elle avait aussi du chagrin quand je l'ai quittée. » En même temps elle entraîna Juliette, et elle a comblé la baronne de si tendres caresses, que cette dernière, en la pressant sur son cœur, se consola de la privation qu'elle s'était imposée. Se tournant alors vers l'orpheline, qui se tenait à quelques pas dans une attitude modeste, elle l'attira vers elle, et lui dit tout bas. « Vous êtes bien sévère, mais je vous dois un des plus doux moments de ma vie, je ne l'oublierai pas. » Cet instant fut aussi bien doux pour notre Juliette, car la victoire qu'elle venait de remporter sur la mère, et surfaite il lui prouva, que les difficultés qu'elle avait crainte de rencontrer pour l'éducation de son élève, ne seraient pas aussi insurmontables, qu'elle les avait jugées d'abord. Il lui fut aisé de reconnaître que les défauts de Madame de Granville ne tenaient qu'à une mauvaise direction dans les idées, et il ne lui parut pas impossible de lui en suggérer de plus conformes à son bonheur, comme à celui de sa famille. Le soir même elles eurent ensemble un entretien qui ne fit que l'affermir dans cette résolution. Se trouvant seule avec la baronne, cette dernière lui dit en souriant. « Eh bien, j'espère que vous devez être content de moi. Vous avez à la fois triomphé aujourd'hui de mon goût et de ma volonté. En vérité, ce sont là de ces sacrifices que je ne me croyais pas capable de l'air, ce qui est certain, c'est que personne ne les eut obtenus autrefois. C'est peut-être qu'autrefois, madame, répondit Juliette, vous ne sentiez pas encore tout le bonheur que goûte une mère qui se consacre sans partage à l'éducation de sa fille. Lucie était bien jeune alors, maintenant qu'elle est arrivée à l'âge où elle sentira mieux chaque jour le prix de vos soins, où elle vous en dédommagera de plus en plus, par son respect et sa tendresse. Vous voulez lui offrir en vous-même le parfait modèle de toutes les vertus qu'elle doit acquérir. Sans doute, c'est là mon désir, reprit la baronne, mais j'avoue à ma honte que je manque de courage pour le réaliser. Oh ma chère Juliette, vous ne savez pas combien s'inonde, qu'il faudrait que j'abandonnasse entièrement, offre d'attrait à ceux qui, comme moi, y ont passé leur jeunesse. C'est une vie factice où le cœur a peu de part, j'en conviens, mais ce n'en est pas moins un enchantement. Une occupation continuelle qui nous ravit et nous dérobe à nous-mêmes. Ici, au contraire, dans cette retraite que je suis forcée d'habiter, où j'ai si rarement la possibilité de me livrer à la société que j'aimais, eh bien je péris d'ennui, le temps, que je trouvais toujours si rapide, me paraît maintenant d'une longueur insupportable, et quand les amis, avec lesquels j'ai conservé quelques relations, me font la peinture des amusements dont elles jouissent, je vous assure que je me sens bien malheureuse, car enfin, qu'ai-je pour me dédommager? Peu de choses, sans doute, madame, répondit Juliette, si vous envisagez les plaisirs du monde, comme les seuls qui puissent constituer le bonheur ici-bas, mais tout, si vous vouliez réfléchir au bien sans nombre, que le ciel a mis à votre portée. C'est ainsi que nos joies et nos tristesses, dépendent fort souvent de l'opinion que nous nous formons de la vie, beaucoup de gens seraient, je crois, moins portés à s'en plaindre, si eux-mêmes ne s'attachaient à la rendre misérable. Ainsi donc, vous pensez que je ne dois accuser, que moi de l'ennui que j'éprouve? Je pense du moins, madame, qu'il dépendrait de vous de le diminuer considérablement. Espérer un bonheur parfait sur la terre serait sans doute une folie, mais, quelque triste que soit généralement la vie humaine, il est un grand nombre de situations où l'on peut jouir. Je ne me croyais pas capable de faire, ce qui est certain, c'est que personne ne les eût obtenus autrefois. C'est peut-être qu'autrefois, madame, répondit Juliette, vous ne sentiez pas encore tout le bonheur que goûte une mère qui se consacre sans partage à l'éducation de sa fille. Lucie était bien jeune alors, maintenant qu'elle est arrivée à l'âge où elle sentira mieux chaque jour le prix de vos soins, où elle vous en dédommagera de plus en plus, par son respect et sa tendresse, vous voulez lui offrir en vous-même le parfait modèle de toutes les vertus qu'elle doit acquérir. Sans doute, c'est là mon désir, reprit la baronne, mais j'avoue à ma honte que je manque de courage pour le réaliser. Oh ma chère Juliette, vous ne savez pas combien ce monde, qu'il faudrait que j'abandonnasse entièrement, offre d'attrait à ceux qui, comme moi, y ont passé leur jeunesse. C'est une vie factice où le cœur a peu de part, j'en conviens, mais ce n'en est pas moins un enchantement, une occupation continuelle qui nous ravit et nous dérobe à nous-mêmes. Ici, au contraire, dans cette retraite que je suis forcée d'habiter, où j'ai si rarement la possibilité de me livrer à la société que j'aimais, eh bien, je péris d'ennui. Le temps, que je trouvais toujours si rapide, me paraît maintenant d'une longueur insupportable, et quand les amis, avec lesquels j'ai conservé quelques relations, me font la peinture des amusements dont elles jouissent, je vous assure que je me sens bien malheureuse. Car enfin, qu'ai-je pour me dédommager? Peu de choses, sans doute, madame, répondit Juliette, si vous envisagez les plaisirs du monde, comme les seuls qui puissent constituer le bonheur ici-bas, mais tout, si vous vouliez réfléchir au bien sans nombre, que le ciel a mis à votre portée. C'est ainsi que nos joies et nos tristesses, dépendent fort souvent de l'opinion que nous nous formons de la vie, beaucoup de gens seraient, je crois, moins portés à s'en plaindre, si eux-mêmes ne s'attachaient à la rendre misérable. Ainsi donc, vous pensez que je ne dois accuser, que moi de l'ennui que j'éprouve? Je pense du moins, madame, qu'il dépendrait de vous de le diminuer considérablement. Espérer un bonheur parfait sur la terre serait sans doute une folie, mais, quelque triste que soit généralement la vie humaine, il est un grand nombre de situations où l'on peut jouir d'une large portion de ce bonheur tant envié, quand on veut le chercher autour de soi et dans son propre cœur, c'est le cas où vous me semblez être, madame. Quelle erreur est la vôtre, ma chère Juliette, ne viens-je pas de vous dire que je ne trouve rien de pire que mon existence, et puis j'espérais de l'embellir en m'éloignant précisément de tout, ce qui peut la rendre agréable? Expliquez-moi donc votre pensée, car je ne la comprends pas. En vérité, madame, il faut beaucoup compter sur votre indulgence, sur votre bonté, pour oser traiter avec vous un sujet que mon âge et mon expérience semblent m'interdire. Si vous exigez que je réponde à vos questions, veuillez du moins vous souvenir que chacune des idées que j'exprime devant vous m'a été suggérée par mon excellente mère, que ce sont toujours ses jugements que je reproduis, et non les miens. Je le sais, interrompit la baronne, et c'est justement ce qui redouble ma confiance. Toutes les vertus qui brillent en vous, votre discernement précoce, prouve la haute sagesse de celle qui vous a élevé, et je désire connaître toutes les idées qu'elle vous a transmises, principalement sur le point que nous traitons. Parlez donc sans crainte, ma jeune amie, dites-moi d'abord comment vous croyez qu'en sacrifiant mes goûts, mes habitudes, en un mot tous les genres d'être qui m'attachent au monde, je pourrais échapper à l'ennui, dont je suis dévoré dans cette espèce de désert, où je vis malgré moi. Ce désert, madame, vous offrirait mille charmes si vous vouliez les y chercher, et surtout les comparer aux vains plaisirs, dont vous avez joui au milieu du tourbillon du monde. Ici tout est réel, tout est selon le cœur et la raison, là tout est futile, tout est factice, et ne peut laisser à l'âme que d'importuns souvenirs, que de trompeuses illusions, dont l'esprit ne saurait jamais se nourrir sans danger. C'est du moins ce que pensait ma mère des dissipations mondaines, elle ne les croyait propres qu'à nous éloigner des occupations qui conviennent à notre sexe, et de la pratique des vertus, qui nous gagnent le cœur de ceux que nous aimons. « Souviens-toi, ma Juliette, me disait cette tendre mère, qu'une femme est destinée à s'occuper sans cesse du bonheur de tout ce qui l'entoure. C'est de son mérite, de ses prévenances, de la sûreté comme de l'agrément de son caractère que dépend d'abord la félicité de ses parents, et ensuite celle de l'époux qu'on lui choisit. Les charmes extérieurs qu'il trouve en elle reçoivent souvent, il est vrai, son premier hommage, mais, si elle ne savait qu'être belle, elle n'obtiendrait de lui qu'un sentiment passager. Pour conquérir toute son affection et sa confiance, il faut qu'elle possède des avantages que le temps ne puisse détruire. Il faut que, sans chercher à briller par l'esprit, elle s'efforce de lui être toujours agréable, qu'elle étudie ses goûts, qu'elle paie à sa vertu le premier tribut d'admiration, qu'elle s'associe à ses joies, le console dans ses revers, qu'elle soit enfin sa meilleure, sa plus constante amie. Comme mère de famille, la mission de la famille ci-bas est encore plus sacrée, car c'est presque toujours de l'éducation, et des exemples qu'elle donne à ses enfants que dépend leur avenir. C'est d'elle qu'ils doivent apprendre à pratiquer tous les devoirs que la religion et la société imposent, et ces devoirs, elle ne saurait les étudier au milieu des 20 prestiges du monde. Croisant donc mon expérience, foutez cette bonne mère, ne recherche jamais que les plaisirs purs, que nous offre l'intérieur de la famille, la vie de la femme, cette vie toute d'amour, d'abnégation et de sacrifice, ne doit être que là, parce que l'obscurité dont elle s'environne prête un nouvel éclat à ses vertus. Juliette aurait pu continuer longtemps encore sur le même sujet, sans que la baronne fût tentée de l'interrompre, car cette peinture que l'on venait de lui tracer d'une femme modeste et vertueuse lui démontrait, mieux que n'auraient pu le faire les plus sanglants reproches, toute l'inconséquence de sa conduite passée. Elle était tombée dans une sombre rêverie, d'où elle ne sortit que pour manifester ses regrets. « Que vous êtes heureuse, s'écria-t-elle en regardant la jeune fille, que vous êtes heureuse d'avoir eu une mère qui ait gravé de telles leçons dans votre cœur. Hélas, c'est le contraire que l'on a fait pour moi, au lieu de me montrer les dangers du monde, on l'a peint à mes yeux sous les couleurs les plus séduisantes, et j'avais adopté la plupart de ses erreurs, avant d'être en état de réfléchir aux écueils que je pouvais y rencontrer. Aujourd'hui même, je l'avoue, soit aveuglement, soit que les impressions qui m'ont frappé, aient laissé dans mon esprit des traces trop profondes, je ne suis pas encore entièrement détrompé des illusions dont je me suis nourri, rien, d'ailleurs, ne saurait m'en dédommager ici. N'ai-je pas négligé tout ce qui pouvait embellir ma retraite, tout ce qui pouvait m'obtenir la tendresse et la confiance de celui auquel le sort m'a lié ? Ah ! Madame, s'écria à son tour l'orpheline, vous oubliez en ce moment les témoignages d'affection, que Monsieur de Granville vous donne sans cesse, et ce serait, permettez-moi de le dire, vous montrer injuste envers lui que d'accuser son cœur. Le devoir seul l'attache à moi, chère Juliette, et le malheur est de ne pouvoir s'en plaindre, puisque j'ai provoqué son indifférence en manquant à l'esprit d'ordre qu'il apprécie avant tout, et en ne cherchant pas à acquérir les talents et les qualités qui peuvent lui plaire. Abusé jusqu'ici par une sotte vanité, je me suis persuadé que la beauté, dont j'étais pourvu devait me donner des droits suffisants à son admiration, à sa tendresse, vous avez détruit ma funeste erreur, mais le mal est fait, je ne puis plus le réparer, j'ai 34 ans. Et, qu'importe l'âge, madame, reprit la jeune fille, quand on a en soi tout ce qu'il faut pour faire oublier un tort quelconque. Ne connaissez-vous pas le noble caractère de votre époux ? Daignez faire quelques efforts pour lui prouver votre affection, daignez adopter ses goûts, ses sentiments, vous livrer aux études qu'il aime, lui montrer que, tout entière à vos devoirs d'épouse et de mère, la retraite où vous vivez n'a plus rien d'effrayant pour vous, bientôt vous recueillerez le fruit de vos soins, en voyant que son bonheur et celui de votre Lucie seront votre ouvrage. Eh bien, dit alors Madame de Granville, entièrement vaincue, vous serez donc mon guide, mon soutien, car, sans vous, ma persévérance ne tarderait pas à être en défaut, c'est sur vous qu'il faut que je m'appuie, si je veux triompher de moi-même. Oh, ne baissez pas ainsi les yeux, ne maléguez plus votre extrême jeunesse, ne l'emportez-vous pas sur moi en raison comme en talent? C'est donc à vous à me donner des leçons, que je ne recevrai de nul autre. Vous serez aussi mon institutrice, et, pour que désormais chacun de nous soit tout à fait dans son rôle, je veux que vous me nommiez votre Abel, comme vous dites à ma fille, ma Lucie. L'orpheline s'était jetée dans les bras de la baronne, qui l'y retint en pleurant et en riant tour à tour. « Parlez donc, lui dit-elle ensuite, est-ce que le joli mentor ne veut pas de la pauvre Adèle ? Il est, au contraire, si pénétré de ses bontés, reprit la jeune fille, qu'il ne sait comment l'en remercier, et qu'il demanderait volontiers, à genoux, d'être moins bien traité, car le poids de sa reconnaissance dépasse ses forces. De la reconnaissance, et que dirai-je donc, moi, qui vais tout lui devoir? Oh ma chère Juliette, c'est de cet instant seulement que je commence à sentir le prix d'une pure amitié, que sans vous je n'aurais jamais goûté peut-être. Maintenant mon cœur est à l'aise, je suis en paix avec moi-même, car je veux sérieusement suivre vos avis et marcher sur vos traces. Ces paroles émurent profondément l'orpheline. Quels que fussent les regrets dans son cœur, était encore brisé en songeant à la perte de ses mères, elle sentait que la vie lui serait moins triste désormais, puisqu'elle pourrait la rendre utile aux personnes qu'il avait si généreusement accueillies dans sa détresse, et cette pensée était pour elle une consolation puissante. De retour auprès de sa fidèle Marianne, qui l'attendait, elle ne lui dit pas la conversation qu'elle venait d'avoir avec Madame de Granville, mais elle lui montra un visage plus épanoui que de coutume, et se mit ensuite à faire avec elle la prière du soir. Depuis que le malheur les avait attachés l'une à l'autre, jamais elles n'avaient manqué de se réunir pour accomplir ce pieux devoir, et la pauvre veuve y puisait chaque jour plus de courage et de résignation. Tout en pleurant son Antoine, elle ne pouvait se lasser de remercier Dieu de lui avoir conservé cette jeune orpheline, dont elle était fière comme si elle lui donnait le jour. Son affection pour Juliette était même poussée si loin, que jamais elle ne souffrait qu'une autre la servit, elle veillait sur elle comme une tendre merveille sur son enfant, et ne pouvait entendre faire son éloge sans renchérir encore sur ses qualités. Agréablement surprise ce soir-là en voyant l'air satisfait de sa bonne maîtresse, c'est ainsi qu'elle l'appelait toujours, elle lui prit affectueusement la main et lui dit « Mes vœux sont donc exaucés, vous êtes moins triste, moins abattue. Ah, puis-je enfin vous voir heureuse. Heureuse, dites-vous. Non, chère Marianne, non, je ne puis plus l'être en ce monde, répondit la jeune fille, puisque la perte de ma mère sera toujours présente à mon cœur, mais je puis goûter les consolations que Dieu, dans sa bonté, a daigné m'offrir, il m'a donné en vous une amie tendre et fidèle, et dans ce lieu, où sa divine providence nous a conduites, de nobles et généreux protecteurs, qui, chaque jour, s'efforcent d'adoucir notre infortune. Qui donc eût repoussé un ange tel que vous? Peut-on vous voir et ne pas vous chérir? Bonne Marianne, votre affection pour moi va beaucoup trop loin, ici c'est votre cœur qui parle, et non votre raison, car vous me prêtez un mérite qu'assurément je n'ai pas, ce serait manquer de reconnaissance envers nos bienfaiteurs, que de ne pas attribuer à leur seule bonté, les témoignages d'intérêt qu'ils nous donnent. Marianne se tut, mais ne rabattit rien de son opinion sur ses maîtresses bien-aimées. Cette dernière, avant de se coucher, alla embrasser Lucie, qui dormait en ce moment d'un profond sommeil dans une chambre voisine de la sienne. Jusqu'alors la jeune institutrice, tout en remplissant religieusement les devoirs qui lui étaient confiés, avait craint de se livrer à toute l'affection que lui inspirait son élève, parce que les difficultés de sa position semblaient lui présager une séparation prochaine, mais les nouvelles dispositions de la baronne avaient fait disparaître ses craintes, et il lui semblait si doux de pouvoir enfin s'abandonner à ses sentiments pour Lucie. Qu'elle resta quelque temps à la contempler, en se promettant bien de ne rien négliger pour en faire une femme vertueuse. S'étant retirée ensuite, elle s'endormit paisiblement, car l'âme retrouve toujours un calme bienfaisant, quand c'est en Dieu qu'elle met son espérance. Chapitre 6. Le christianisme a placé la charité, comme un puits d'abondance dans les déserts de la vie. Chateaubriand. Le lendemain matin, Juliette, à son réveil, retrouva les pensées consolantes qui l'avait occupée la veille. Déjà le soleil se montrait radieux à l'horizon, elle sortit de son lit à la hâte pour aller contempler ce magnifique tableau. De son balcon où dominait sur le village, autour duquel s'étendait le plus charmant paysage, et d'immenses prairies d'où s'exhalaient de délicieux parfums. La terre, en s'éveillant au premier souffle du printemps, paraissait avoir revêtu sa plus brillante parure. Dans les prés, dans les bois, au bord des eaux, tout s'animait, tout prenait une vie nouvelle, tout semblait résonner de douces et lointaines harmonies. Jamais la jeune moscovite n'avait vu dans son pays un si ravissant spectacle, pendant quelques minutes elle en fut comme extasiée, puis elle dit en laissant échapper des larmes. « Zéro ma mère, ma bonne mère, si vous étiez là !» En cet instant Lucie accourait vers elle. « Déjà levée, ma bonne amie, que faites-vous donc à ce balcon, si matin ?» lui dit-elle en l'embrassant. « Je contemplais, chère Lucie, ce charmant paysage. Cette première scène du printemps est magnifique, et l'on ne peut se lasser de l'admirer, surtout quand on songe que c'est à Dieu que l'on doit tant de merveilles. Regardez ce beau soleil qui va réchauffer et vivifier la terre, écoutez le gazouillement de ces jolis oiseaux, qui sautillent le long des haies sur les arbres, où ils vont commencer leur nid, voyez ces fleurs près d'éclore, cette verdure des blés et des prairies, ne dirait-on pas que toute cette belle création, se ranime pour célébrer son divin auteur? C'est pour l'homme qui l'a formé à son image, que toutes ces choses ont été faites, et pourtant cet être si favorisé, si supérieur au reste de la nature, oublie souvent d'où lui viennent tant de grâces et de bienfaits. Ah, n'imitons pas une telle ingratitude envers le Seigneur, ma chère Lucie, rendons hommage à sa puissance, à sa bonté, en le remerciant de ses dons. Tous deux alors se prosternèrent, et se mirent à prier avec tant de ferveur. Qu'elle ne vit pas la baronne, qui, en ce moment, entrait à petit bruit avec Marianne. Madame de Granville ne sentait rien à demi, préoccupée de ses résolutions de la veille, et impatiente de commencer les études, dont lui avait parlé sa jeune amie, elle s'était levée de très grand matin, contre sa coutume, pour venir la surprendre. Il serait impossible de dire les nouvelles émotions, dont son âme fut remplie à la vue des deux jeunes filles agenouillées sur le balcon, les mains jointes, en face de ce beau ciel, où s'élevaient leurs prières, comme un pur encens. Le premier mouvement de la baronne, fut de courir vers elle et de les serrer dans ses bras, mais un sentiment indicible, la retint près de la porte, et tombant à genoux, elle aussi se mit à prier. Juliette, en se retournant, la vit dans cette humble posture, et son cœur en palpita de joie. C'était la première fois qu'elle lui voyait accomplir un acte religieux avec autant de recueillement, et ses espérances de la veille ne firent que s'accroître. La baronne, après avoir terminé sa prière, vint, encore tout émue, embrasser les deux jeunes filles. « Je croyais être plus matinale que vous aujourd'hui, leur dit-elle, et c'est vous, au contraire, qui m'avez devancée. Oh, je suis bien contente de m'être levée, reprit Lucie, car ma bonne amie m'a appris à admirer toutes ces belles choses, qui sont l'ouvrage de Dieu. J'avoue que jusqu'ici je les ai vues sans y songer, ou du moins sans réfléchir d'où elles viennent. Regardez, chère maman, ce joli paysage. C'est singulier, on dirait que le village s'est embelli. Voyez comme toutes ces chaumières font un charmant effet au milieu de la verdure. Quel dommage de les voir habitées par des êtres si grossiers. Ce que vous appelez des êtres grossiers, ma chère Lucie, interrompit l'institutrice, sont des gens simples et laborieux, qui ont droit à nos égards et même à notre reconnaissance, puisque c'est à leurs pénibles travaux, que nous devons cette variété de production de la terre, qu'on voit avec tant de profusion sur la table du riche, et c'est souvent au milieu de ces braves gens, que va se réfugier la vertu quand les autres hommes-là méconnaissent. Oui, c'est sous leur toit rustique que l'on voit encore la piété filiale en honneur, et l'hospitalité sans ostentation, c'est là que la bonne ménagère, empétrissant son pain destiné à sa famille, songe en même temps à la part du nécessiteux, qui viendra sans crainte s'arrêter à sa porte, enfin c'est là surtout que réside la paix et l'innocence, au milieu du travail et de la résignation. Sans doute, continua Juliette, tous ceux qui habitent ces pauvres cabanes n'ont pas au même degré les vertus dont je parle, le contact des villes peut en avoir guetté quelques, mais ce doit être le petit nombre. Il en est d'autres encore qui, accablés sous le poids de la misère, envient quelquefois le bien-être dont ils sont privés. Ceux-ci sont faciles à ramener à des idées meilleures, un peu de refaire à leur indigence, les raccommode bientôt avec l'opulence qu'ils accusaient. C'est presque toujours la faute du riche, quand il s'attire la lanoue l'envie du pauvre, tendez la main à celui qui souffre, montrez quelque intérêt à ses mots, bientôt il vous aimera, il vous bénira. Eh bien, je veux être aimé, je veux être béni, s'écria vivement Lucie. Désormais je ne parlerai plus si légèrement de ces bons villageois, que je trouvais si grossiers et qui sont quelquefois si malheureux. Puis, se retournant vers ses mères, maman, vous deviez me faire plusieurs cadeaux pour aller à cette fête, vous savez? Si aujourd'hui vous vouliez me donner l'argent que vous eussiez dépensé pour moi, j'y ajouterais, cher enfant, tout celui que j'eusse dépensé pour moi-même, répondit la baronne, qui avait pris sa part des paroles de l'orpheline, et qui était ravie de fournir à sa fille, l'occasion de montrer la bonté de son cœur. Lucie sauta de joie, elle voulait aller à l'instant même distribuer, tout l'argent que lui promettait ses mères, aux pauvres paysans qu'elle rencontrerait, mais la jeune institutrice, sachant que la charité a besoin d'être éclairée pour être bien faite, l'engagea à chercher d'abord les plus nécessiteux, afin de partager entre eux, selon leurs besoins, la somme dont elle pourrait disposer. Il ne suffit pas, lui dit-elle, de vouloir soulager les malheureux, il faut encore s'assurer du bon emploi de ces dons, si l'on veut les voir profiter. Du reste, je crois pouvoir vous indiquer quelques pauvres familles, qui ont véritablement besoin d'être secourues, j'en connais une surtout qui mérite le plus vif intérêt, et je puis vous y conduire, si vous le désirez. Juliette, en effet, n'était pas en peine de montrer à son élève les plus pauvres cabanes du village. Chaque fois qu'il lui arrivait d'aller seul à l'église avec Marianne, jamais elle ne manquait d'en visiter une ou deux en sortant, et d'y laisser quelques marques de sa bienfaisance. L'emploi qu'elle occupait, et qui lui était très généreusement rétribué, la mettait à même de satisfaire le penchant de son cœur sous ce rapport. Depuis longtemps déjà elle désirait associer Lucie à ses bonnes œuvres, mais les obstacles que suscitait sans cesse, la baronne à son plan d'éducation, l'avaient forcée d'attendre que cet enfant, fut disposée à profiter de ses leçons et de ses exemples. Enfin le moment est arrivé où elle va recueillir le fruit de sa persévérance. M. de Granville et Lucie montrent un égal empressement à aller visiter la pauvre famille, qu'elle vient de recommander à leur charité. Après le déjeuner, toutes deux prirent avec elle et la bonne Marianne le chemin du village, en peu d'instants elles arrivèrent à une masure qui semblait sur le point de tomber en ruine, et près de laquelle un chien était couché. Éveillée à l'improviste par les pas qu'il entendit, ce chien se mit à aboyer avec une telle violence, que la baronne et Lucie étaient prêtes de prendre la fuite. « Ne craignez rien, leur dit l'orpheline, il ne vous fera aucun mal. » Ouvrant alors la barrière qui se trouvait à quelque distance de la cabane, elle appela le fidèle animal, qui accourut vers elle en bondissant de joie, et lui lécha les mains comme à une ancienne connaissance. Un peu rassurée, la mère et la fille osèrent enfin suivre Juliette et Marianne dans la chaumière. Une femme, que l'âge avait rendue aveugle et paralytique, il était seul en ce moment, assise dans un grand fauteuil au coin de la cheminée, et cherchait, au moyen d'un bâton qui lui servait ordinairement d'appui, à ranimer la chaleur du foyer qui est là, demanda-t-elle en entendant marcher. « C'est moi, Dame Marguerite, c'est moi, » répondit Juliette, lui prenant affectueusement la main. « Dieu soit loué, car votre chère présence nous apporte toujours du bonheur. Asseyez-vous là, tout auprès de moi. Je vais vous raconter à quoi nous avons employé l'argent que vous nous donnâtes l'autre jour avec tant de charité. Bonne Marguerite, interrompit vivement l'orpheline, Madame la baronne de Granville, et sa fille sont ici avec moi, elles sont venues dans l'intention de soulager vos peines et celles de vos enfants, dites-leur tout ce que vous avez souffert. Quoi, s'écria la bonne femme, Madame la baronne vient aussi visiter la maison du pauvre? Que Dieu l'en récompense, qu'il lui conserve son digne époux. C'est lui qui est bon et accessible aux malheureux. Ah, s'il eût été ici quand l'an dernier, on nous enleva notre pauvre André, qui était le gagne-pain de la famille, peut-être qu'il ne serait pas parti, et sa pauvre grand-mère aurait du moins en mourant la consolation de le bénir. La conscription a donc frappé un de vos enfants, lui demanda la baronne. Hélas, oui, madame, et, pour comble de malheur, le chagrin conduisit peu de temps après son père au tombeau. Il me fallut survivre à mon fils, jugé de ma peine. Mais ce n'est pas tout, ma pauvre Bru, chargée de trois enfants en bas âge et d'une malheureuse infirme comme moi, tomba malade à son tour. Pendant un jour ou deux elle se traîna encore hors de son lit, pour m'assister et soigner ses enfants, mais à la fin le mal fut le plus fort, et sans monsieur le curé, qui chaque jour nous envoya de la nourriture, nous serions tous morts de misère, car il y a plus de pauvres que de riches dans ce village, et personne autre que le saint homme ne venait à notre secours. Ce fut lui aussi qui soigna ma bonne Christine, elle revint à la santé, et se remit à l'ouvrage, mais l'époque du loyer approchait. Celui dont nous tenons le petit morceau de terre qui nous fait vivre, nous pressait sans pitié, il nous menaçait même de prendre notre vache, seul bien qu'il nous reste à présent, et de nous chasser de cette pauvre masure. Christine et moi, nous étions bien affligés, pourtant nous n'osions dire notre peine à monsieur le curé, qui avait déjà tant fait pour nous. Ce fut alors que cet ange vint à notre aide, continua Marguerite en se retournant vers l'orpheline. Elle vit un jour Christine pleurant dans un coin de l'église, son cœur en fut touché, et en sortant elle la suivit avec la brave femme qui, dit-on, l'accompagne toujours, puis elle vint, puis. Ici Juliette chercha encore à l'interrompre Marguerite, mais celle qui l'écoutait avait tout compris. La baronne, s'approchant alors de l'aveugle, lui dit d'un ton pénétré. Ma bonne mère, c'est aussi cet ange qui nous a amenés vers vous, ma fille et moi, je regrette amèrement de n'y être pas venu plus tôt, mais promettez-moi de recourir à nous désormais dans vos besoins. En attendant, dit à son tour Lucie, veuillez accepter ceci, belle Marguerite. Et l'aimable enfant mit dans la main de la pauvre femme une pile d'écus, que cette dernière reçut avec une vive émotion. En cet instant Christine, ployant sous le fait d'une énorme bourrée, et suivie de ses trois enfants, qui avaient aussi chacun leur charge, entra dans la cabane. Interdite à la vue de la baronne et de Lucie, qui avait dans le village la réputation d'être très fière, elle déposa son fardeau et salua gauchement, sans oser articuler une seule parole. « Viens, viens, lui dit sa vieille mère, qui avait reconnu ses pas, vois tout cet argent, eh bien, c'est madame la baronne et sa fille qui nous le donnent, c'est notre chère bienfaitrice qui les a amenés ici, elles ont eu aussi pitié de notre misère. » Christine, joignant les mains, regarda alors la mère et la fille avec un profond sentiment de reconnaissance, reportant ensuite les yeux sur ses trois enfants, elle dit d'une voix émue, « Pauvre petit, vous n'aurez plus faim, et notre cher André aura aussi sa part. Il viendra je l'espère, la chercher lui-même, bonne Christine, lui dit la baronne, vous êtes veuve, il est votre fils aîné, et ce titre lui donne un droit incontestable à l'exemption du service militaire. Je vais écrire au ministre de la guerre dont je suis un peu connu, et je pense que nous réussirons. » À ces mots, les deux mères furent saisies d'une telle joie, qu'il leur fut impossible de l'exprimer autrement que par des larmes. Vivement touchée de cette scène, Madame de Granville réitéra à la pauvre famille, l'assurance du vif intérêt qu'elle lui inspirait, et quitta la chaumière, emportant dans son cœur de si douces émotions, qu'elle dit tout bas en sortant à sa jeune amie. « C'est à vous, chère Juliette, que je dois le plaisir que je viens de goûter. Oui, je le sens, quand le bonheur des autres est notre ouvrage, il nous rend plus heureux qu'eux-mêmes. Ah, pourquoi ai-je méconnu si longtemps d'aussi pure jouissance ?» Lucie, qui était restée en arrière avec Marianne, se rapprocha en ce moment de son institutrice, et lui dit à son tour, avec un mélange de gaieté et de sentiment. « Ma bonne amie, si j'étais l'impératrice, vous seriez à l'instant même nommée intendante de mes plaisirs, car ce que vous choisissez font tant de bien au cœur, que l'on ne voudrait plus en avoir d'autres. Quel dommage que ma bourse soit à peu près vide, et que nous ne puissions pas aller tous les jours porter la joie chez de pauvres gens comme ceux-ci, je serais si contente de pouvoir renouveler souvent de si bonnes matinées. » Pour la renouveler le plus souvent possible, répondit Juliette en souriant, il faut d'abord nous mettre à l'étude avec ardeur, vous savez que monsieur votre père, vous a promis de récompenser généreusement chacun de vos progrès, je suis sûr que, quand il saura le digne emploi, que vous voulez faire de ses dons, il les multipliera autant que le lui permettront les circonstances. Voilà un moyen, déjà j'y pensais, et j'en userai très certainement, mais n'y en a-t-il aucun autre ? Il reste celui d'une sévère économie dans votre toilette, et dans beaucoup de dépenses dont vos besoins factices, vous font souvent une nécessité. Les petites privations que vous vous imposeriez sous ce rapport, chère Lucie, auraient pour vous un double avantage, d'une part, elles vous habitueraient à savoir vous contenter de peu, de l'autre, elles vous mettraient à même de satisfaire votre cœur, en venant au secours de ceux qui souffrent. Nous pourrions, en outre, dans nos récréations du soir, qui se passent en lecture et en causerie, travailler pour les enfants des pauvres et poulis vieillards, leur faire du linge, des vêtements, dont ils manquent presque toujours. Pendant que l'une de nous lira à haute voix, l'autre tirera l'aiguille. Les étoffes que nous emploierons coupent peu, et nous réunirons nos bourses pour les achats. « Oh, c'est charmant !» s'écria Lucie, « oui, voilà qui est dit, d'abord j'économiserai beaucoup, puis je travaillerai. Maman, vous nous aiderez, n'est-ce pas, vous joindrez vos économies aux nôtres, vous travaillerez avec nous? De tout mon cœur, cher enfant, je te le promets. Et moi donc, demanda la bonne veuve, vous regarderai-je faire? Non vraiment, reprit Lucie, vous, chère Marianne, vous serez l'ouvrière en chef, vous nous dirigerez, et vous irez à la découverte des malheureux. Il serait difficile d'exprimer la vive satisfaction qu'éprouva la jeune institutrice en entendant son élève former de tels projets. Cette dernière, en rentrant au château, se remit à l'étude avec une nouvelle ardeur, la baronne n'en montra pas moins, pour commencer le cours d'instruction, qu'elle se proposait de suivre. Elle voulait même se joindre sur le champ aux exercices de sa fille, mais Juliette lui fit remarquer, qu'il serait beaucoup plus convenable que ses études fussent d'abord secrètes, et elle l'engagea à n'en donner connaissance à Lucie que lorsqu'elle aurait acquis, sous ce rapport, un certain degré de supériorité. Nous avons dit que l'instruction de Madame de Granville avait été très peu cultivée dans sa jeunesse, sauf un peu de canot, de dessin, et les premiers éléments de la langue française, le reste avait été totalement négligé, mais, résolue de réparer ce tort, trop souvent irréparable, et douée d'une grande intelligence, elle sut tellement profiter des leçons de sa jeune amie, que ses progrès redoublèrent encore son zèle. Il y avait quelque chose de bien touchant dans l'application de cette femme, naguère indolente, futile, légère, et alors si active, si avide de s'instruire, si docile surtout envers celle qu'elle voulait imiter, et qui, auprès d'elle, n'était qu'une enfant. Leur rôle à chacune était en sens inverse de leur âge, mais l'intimité de leur rapport n'en souffrait aucunement, parce que, d'une part, il existait un grand fond d'attachement, une confiance sans bornes, auquel se joignait une admiration sincère, et de l'autre, une rare modestie et un zèle empressé, qui jamais ne cessaient de se montrer respectueux. Chaque jour la réforme tardive, que Madame de Granville s'efforçait d'opérer sur elle-même devenait plus sensible pour ceux qui l'entouraient. Monsieur de Bonnier, auquel Juliette n'avait pas communiqué les résolutions de sa noble amie, afin de lui laisser tout le plaisir de la surprise, fut véritablement stupéfait quand, au retour d'un petit voyage, qu'il avait été forcé de faire, il retrouva l'épouse de son ancien élève presque entièrement métamorphosée. En effet, ce n'était plus la même personne, l'expression de sa physionomie était aussi changée que ses habitudes et ses manières, sa beauté, encore si remarquable, semblait en avoir pris un nouvel éclat. Elle s'aperçut que le vénérable vieillard l'examinait avec une attention particulière, et se trouvant alors seule avec lui. « Mon respectable ami, lui dit-elle, vous cherchez ici la folle d'autrefois, l'épouse dissipée, la mère inconséquente, qui a brisé le bonheur qu'elle devait à vos soins. Ah, j'espère que cet être coupable ne blessera plus vos regards, à sa place est une pauvre femme, qui reconnaît aujourd'hui tous ses torts, qui voudrait les réparer au prix de son sang, mais est-ce qui craint bien qu'il ne lui soit jamais pardonné par celui dont il a fait le malheur ? Rassurez-vous, madame, lui répondit le vieillard, on répare ses fautes quand on les pleure, et votre époux vous aime trop tendrement, il est trop généreux pour ne pas accueillir les nouveaux sentiments que vous manifestez, je connais son âme, et suis garant qu'ils le combleront de la joie la plus vive. Je crois, reprit la baronne avec une touchante naïveté, que tous ces sentiments étaient dans mon cœur, cependant, sans la vertueuse Juliette, il est probable qu'ils y fussent restés enfouis, c'est à elle, à ses conseils, à ces exemples, que je dois d'être enfin éclairé sur mes devoirs. » Alors Madame de Granville raconta au bon curé quelle avait été la conduite de l'orpheline, sa courageuse résistance, et enfin les résolutions qu'elle lui avait fait adopter. Profondément ému de ce récit, qui lui présageait un heureux avenir pour son cher élève, et qui en même temps justifia si bien, toutes les espérances qu'il avait conçues de sa protégée, malgré son extrême jeunesse, Monsieur de Bonnier exprima à la baronne la vive satisfaction dont il était pénétré, et l'encouragea, par ses discours pleins d'onction, à persister dans la nouvelle route qu'elle s'était tracée. Sachant que jusqu'alors, quels qu'eussent été ses efforts auprès d'elle, les maximes du monde l'avaient emporté, dans son esprit, sur les vérités de la religion, il profita habilement de cet instant pour les lui rappeler encore, et l'amener aux saintes pratiques de cette religion sublime, si étroitement liée à notre bonheur comme à notre salut. « Croyez-moi, madame, lui dit-il, la vertu qui veut marcher sans cet appui n'est qu'un orgueil dissimulé que le moindre choc fait faillir. Qui peut répondre de soi, quand il n'a pas Dieu pour guide et pour soutien ? Aujourd'hui ce Dieu de bonté veut vous compter au nombre de ses enfants les plus fidèles, ne résistez pas à sa grâce, ne repoussez pas la main qui tend à votre faiblesse, avec elle, vous marcherez d'un pas ferme dans les trois sentiers que vous voulez suivre. Bientôt aussi une douce paix entrera dans votre âme, et tous vos devoirs vous deviendront faciles. » La figure du vénérable vieillard avait en ce moment quelque chose de si grave, et tout à la fois de si touchant, que la baronne ne résista plus à cet appel à la vertu. « Demain, mon père, lui dit-elle, demain matin j'irai vous trouver au tribunal de la pénitence. » Après avoir reçu cette promesse, qui achevait de lui prouver le changement complet de l'épouse de son ami, le vieillard rejoignit l'orpheline, à laquelle il voulait témoigner, aussi toute sa satisfaction. « Venez, venez, que je vous bénisse, lui dit-il en l'abordant. Bonne Juliette, c'est à vous, c'est au sage enseignement que vous avez répandu ici, que je dois devoir accomplir aujourd'hui un des vœux les plus ardents de ma vieillesse. Maintenant je puis mourir, je ne craindrai plus rien pour le salut de cette famille, qui m'est si chère. Ô mon respectable ami, que parlez-vous de mourir, s'écria Juliette. Et moi donc, pauvre orpheline, que ferais-je sur la terre si vous, ou si vous veniez à me manquer? Vous continueriez, mon enfant, à y pratiquer toutes les vertus qu'une mère sage, a si heureusement fait germer dans votre cœur, vous continueriez à les répandre autour de vous, et vous trouveriez en elles la force de supporter mes pertes, comme vous supportez celles qui vous ont frappé. La résignation dont vous avez fait preuve, vous a déjà mérité de grandes récompenses, vous en obtiendrez d'autres encore, je l'espère, ainsi ne songeons pas d'avance à un chagrin qui, pour être inévitable, n'est pas encore venu. Je vis, ma chère Juliette, je vis pour vous bénir, pour partager la joie que vous devez éprouver en voyant les heureux effets de vos soins et de votre persévérance. C'est Dieu lui-même qui vous a inspiré tout ce que vous avez fait, suivez toujours cette inspiration divine, et vous aurez dignement accompli la mission qu'il vous a confiée. Juliette trouva bien de la douceur dans l'approbation du saint vieillard, auquel elle portait la plus tendre vénération, mais ce qu'il venait de lui dire sur la probabilité de sa fin prochaine, avait éveillé en elle des craintes, que le grand âge du bon curé ne justifiait que trop, et ces craintes ajoutèrent encore à la tristesse qu'elle s'efforçait vainement d'écarter de son cœur. Il fallut cependant la maîtriser pour s'occuper uniquement de la baronne, qui, peu après, vint lui annoncer elle-même la promesse qu'elle avait faite à monsieur de Beaunier. Cette promesse s'effectua le lendemain matin, et dès ce moment il y eut un tel accord entre les deux amis, qu'il semblait que la même impulsion les fit agir. L'éducation de Lucie se ressentit bientôt de cet accord parfait. Adulée autrefois par ses mères, cet enfant avait pris l'habitude de l'exigence, de l'indocilité et d'une humeur capricieuse, elle était impérieuse ou trop familière avec les femmes qui la servaient, et se plaisait quelquefois à exciter entre elles des jalousies, et d'interminables discussions, elle aimait en outre à l'être remarquée, et ne montrait ordinairement des égards, qu'aux personnes titrées ou opulentes. Peu à peu tous ses défauts se modifièrent. Juliette, en lui inspirant d'abord de l'admiration par la supériorité de ses talents, la noblesse de ses manières et de son langage, était parvenue à prendre un grand empire sur son esprit. Lucie rougissait devant elle de toutes ses imperfections, et désirait ardemment captiver son amitié. Enfin le changement subit qui s'opéra chez la baronne, acheva ce que la jeune institutrice avait si heureusement commencé. De toutes les leçons, il n'en est pas de plus fructueuse que celle de l'exemple. Lucie ne se rendait pas compte comment il se faisait, que sa mère était devenue tout à coup si raisonnable, mais, en la voyant accomplir strictement tous ses devoirs, en recueillant de sa bouche les plus sages conseils, et en remarquant qu'elle s'estreignait elle-même à l'ordre nouvellement établi dans sa maison, non seulement elle sentit croître son respect pour cette bonne mère, mais elle chercha à l'imiter. Et parvint à se corriger en très peu de temps. Les projets charitables que lui avait suggérés son ami, ne contribuèrent pas peu aussi à exciter son zèle, car rien ne porte au bien comme le bien lui-même, plus on l'exerce, plus on veut l'exercer, c'est un attrait dont jamais le cœur ne se désenchante, et Lucie en trouvait tant à multiplier les heureuses autour d'elle, que cette jouissance était celle qu'elle recherchait avec le plus d'ardeur. Chapitre 7. Celui qui a trouvé une femme vertueuse a trouvé un trésor, il a reçu du Seigneur une source de félicité. Proverbe, Gzvi, 22. Depuis plusieurs mois, les choses étaient en cet état au château de Berre, lorsqu'un matin une lettre du colonel, annonça son arrivée pour le lendemain. Une affaire de service me rappelle en France pour quelques jours seulement, ma chère Adèle, écriva-t-il à la baronne. Je n'aurai que de bien courts instants à passer auprès de toi, mais je dois encore m'estimer heureux de pouvoir goûter ce moment de bonheur, au milieu de tous les revers dont nous sommes frappés ici. Il semble que la fatalité se soit attachée à nos armes. Enfin je vais te revoir. Je vais revoir ma Lucie, l'amie de mon enfance, toujours si vénérée, et la seconde fille que m'a envoyée la Providence. Tu m'as annoncé que ces exemples et ces leçons ont eu tout le succès que j'en espérais auprès de notre enfant, le ciel en soit mille fois loué. Oh, si tu savais, mon Abel, quel bien m'ont fait tes lettres depuis quelques mois, et combien elles m'ont rattaché à cette existence qu'auparavant je prisais si peu. Mais, adieu, adieu. Demain je te reverrai. Cette nouvelle inattendue jeta la baronne dans un trouble inexprimable. Elle était ravie, sans doute, de la pensée de revoir un époux, dont elle appréciait alors la tendresse et les rares qualités. Mais elle eût souhaité que les progrès qu'elle avait faits dans ses nouvelles études, et dont elle avait gardé le secret avec lui, fussent plus sensibles encore, puisque le principal but de tous ses efforts, avait été de lui ménager une douce surprise. Le lendemain, cependant, Tout fut en mouvement au château pour recevoir celui qu'on y attendait. Lucie était ivre de joie. L'orpheline aussi était heureuse de voir l'homme respectable, qui lui avait montré une si noble confiance, et le bon curé remerciait Dieu de lui permettre d'embrasser encore une fois son fils d'adoption. Dans son trouble, Madame de Granville eut un moment la pensée de préparer à son mari une petite fête dont les habitants de Berrust étaient les acteurs, mais, s'étant concertée avec sa jeune amie, sans laquelle elle ne prenait plus aucune détermination, elle reconnut bientôt que les circonstances dans lesquelles l'armée d'Allemagne se trouvait alors étaient trop pénibles pour que le colonel fût disposé à prendre part à des réjouissances publiques. Et elle défendit à ses gens toute manifestation extérieure. Voulant néanmoins mater l'instant d'une réunion si désirée, elle monta en calèche, dès le matin, avec Monsieur de Bonnier, Juliette et Lucie, et se fit conduire sur la route par où Monsieur de Granville devait arriver. Un mélange de crainte et de joie faisait palpiter violemment le cœur de cette femme naguère si frivole, et si indifférente pour le meilleur des époux. Au moment de le revoir, elle se retraçait avec amertume ses inconséquences passées, le peu de soin qu'elle avait pris de lui plaire, et, quelle que fût la généreuse indulgence qu'il lui montrait dans sa lettre, elle ne pouvait se figurer qu'il lui pardonna jamais entièrement tout ce qu'il avait dû souffrir. « Oh, qu'il est bien vengé, » disait-elle tout bas au vénérable ami, qui était assis à ses côtés, « mes regrets pèsent sur mon cœur comme un poids immense, car je le sens, jamais Monsieur de Granville ne pourra oublier cette légèreté qui me fit paraître à ses yeux, pendant tant d'années, si vaine et si ridicule. » Inutilement le vieillard cherchait à la rassurer, malgré elle la crainte l'emportait sur l'espérance. Enfin cette pénible anxiété cessa, Madame de Granville reconnut la voiture de son mari, et, descendant précipitamment de la sienne avec Lucie, elle courut au-devant lui, et l'embrassa avec une telle effusion de tendresse, que ce seul instant le paya de tous ses chagrins. C'était la première fois que l'excellent époux recevait un accueil aussi empressé. Une joie vive et pure brillait dans ses yeux, quand il joignit le curé et Juliette, qui, par discrétion, étaient restés à quelque distance, mais combien les profondes émotions qui se peignaient en lui s'augmentèrent encore en arrivant dans sa maison. Celle-là surtout qu'il allait acquérir toutes les preuves de l'heureux changement que les lettres de sa femme lui avaient fait pressentir, et que sa présence semblait lui confirmer. Autrefois la baronne, entièrement étrangère aux soins domestiques, avait une femme de charge qui gouvernait tout le château et la maîtresse elle-même, parce qu'elle avait su se rendre nécessaire, et qu'elle joignait une extrême impertinence à beaucoup d'adresse. Ce personnage, qui n'avait réussi qu'à multiplier les dépenses, et à s'attirer la haine de tous ceux que sa tyrannie accablait, avait été renvoyé. On avait également supprimé plusieurs autres domestiques inutiles, néanmoins le service se faisait avec une exactitude remarquable, et un air de satisfaction régnait sur tous les visages. Plusieurs embellissements qui joignaient l'utile à l'agréable, avaient été faits dans les jardins et les dépendances. L'appartement du baron venait d'être restauré avec un goût parfait, les autres ne se faisaient remarquer que par un air d'arrangement et de propreté, qui semblait être le seul luxe qu'on y recherchât désormais. Tout, en un mot, annonçait dans cette demeure l'ordre et les soins assidus de la maîtresse, et elle l'en faisait les honneurs à son mari avec une grâce si touchante, qu'en la contemplant il croyait parfois être le jouet d'un songe. Il avait tout vu, tout deviné. Aucune amélioration ne lui avait échappé, ses regards attendris allaient alternativement de sa femme à sa fille, puis, de ces deux êtres si chers, il les ramenait sur Juliette, dont il reconnaissait pleinement l'heureuse influence, et il disait tout bas à son respectable ami, qui partageait son bonheur, cet ange a fait ici des miracles. Comment m'acquitterai-je jamais de tout ce que je lui dois? Après le dîner, pendant lequel Lucie avait rendu un compte exact de ses diverses études, elle se plaça au piano, sa mère l'y suivit, sur un signe que lui firent Monsieur de Bonnier et l'orpheline, et elles exécutèrent ensemble un morceau à quatre mains avec une si étonnante supériorité, que le colonel, ne résistant plus à ses émotions successives, courut les presser tous deux dans ses bras en s'écriant, « Assez, assez, vous me rendez trop heureux !» Point d'exclamation. S'approchant ensuite de l'orpheline, et lui serrant la main avec un sentiment indicible, « Vous avez dépassé toutes mes espérances, » lui dit-il, « chère et bonne Juliette, après m'avoir rendu le plus fortuné des hommes, achevez votre ouvrage, en me promettant de me regarder désormais, comme votre second père. » La jeune fille était trop émue pour répondre, comme elle l'eût désiré à ce témoignage d'affection et de reconnaissance, mais les larmes qui mouillaient sa paupière, disaient assez ce qui se passait dans son cœur. Pendant que cette scène de famille avait lieu, une foule d'habitants du village s'avançait vers le château. Une paysanne, tenant la main d'un jeune homme couvert d'un mauvais habit militaire, était à la tête de cette troupe. « Vive la baronne de Granville! Vive notre brave colonel! Vive la jeune moscovite !» cria-t-ils tous ensemble. Le curé alla voir ce qui pouvait donner lieu à ces cris extraordinaires, et revint aussitôt, amenant avec lui Christine et son fils André. La foule, par respect, resta dans l'antichambre. « Le voilà, madame, le voilà !» dit le Rosemère en montrant son fils bien-aimé à sa bienfaitrice, « il vient d'arriver, et j'ai voulu vous l'amener tout d'abord. » Le colonel demanda quelques explications. Alors Christine, surmontant, dans l'excès de sa joie, sa timidité habituelle, se mit à raconter tout ce que la jeune moscovite, la baronne Lucie avait fait pour elle. « Depuis que ces bonnes dames sont venues chez nous, dit-elle, ma mère Marguerite, mes enfants et moi, nous n'avons plus manqué de rien, il ne nous fallait plus que notre André. Eh bien, madame la baronne nous l'a rendu. Ah, le bon Dieu la bénira, j'espère, ainsi que ces deux chères demoiselles, tout ce qu'on fait pour les malheureux, il le rend avec usure. » Monsieur de Granville était vivement touché, car sa femme et sa fille venaient d'acquérir à ses yeux un nouveau mérite. Il voulut prendre part à leur bonne œuvre, en donnant au fils de Christine de quoi s'habiller à neuf, et en lui promettant que désormais, il serait employé au château. S'étant aussi avancé vers les bons villageois, qui tous lui portaient un véritable attachement, il leur adressa des paroles pleines de bienveillance, et leur fit distribuer des rafraîchissements qui redoublèrent encore les vivats. Lorsque toutes ces bonnes gens se furent retirées, le baron embrassa tendrement sa femme et sa fille, et dit à cette dernière, « Je te félicite, ma Lucie, ton cœur sait apprécier le bonheur de faire des heureux, c'est une jouissance que la satiété ne saurait atteindre, et qui conduit presque toujours à la vertu. Autrefois, répondit ingénument la jeune fille, je ne savais pas la goûter, cette jouissance, j'avais peur de ces bons paysans, ou du moins ils m'inspiraient de la répugnance, ma bonne amie, après m'avoir fait rougir de ma sottise, m'a conduite parmi eux, m'a montré leur misère, et maintenant je ne suis heureuse que quand je peux la soulager. Alors, avec toute la vivacité de son âge, elle conduisit son père à une armoire dans laquelle était renfermé du linge, et des vêtements destinés aux pauvres, étalant successivement ses divers objets sous les yeux du baron, elle lui montra l'ouvrage de sa mère, le sien, celui de sa jeune amie, et dit ensuite, « Demain matin notre bonne Marianne, qui ne se lasse jamais quand il s'agit des malheureux, ira leur distribuer toutes ces choses. Afin que la joie de votre arrivée, cher papa, se répande aussi dans leur cabane. » Ces mots, recueillis de la bouche de son enfant, doublèrent encore le bonheur de l'excellent père, et quand il rejoignit la baronne et Juliette, il leur exprima de nouveau la joie dont son âme était pénétrée. Hélas, cette joie, qu'il était si digne de goûter, fut bientôt troublée par la nécessité d'une nouvelle séparation. Le peu de jours qui lui était permis de passer dans sa famille écoulèrent avec une rapidité désespérante. « Pourquoi les ai-je revus ? » dit-il à son vénérable ami en allant lui faire ses adieux. « Pourquoi ai-je passé auprès d'elle des moments si doux, puisqu'il fallait encore une fois m'arracher au bonheur ? Moins heureuse autrefois, je trouvais la force de m'éloigner d'ici, et je comptais ma vie pour rien dans les combats, mais aujourd'hui que tous mes liens sont resserrés, cette séparation me paraît affreuse, et ce ne sera pas sans quelque effroi, peut-être, que j'irai affronter de nouveaux périls, l'existence acquiert tant de prix au sein d'une famille dont on se sent aimé. Oui mon cher enfant, répondit l'excellent homme auquel ces paroles s'adressaient, oui, je sens votre peine. Il est des devoirs bien pénibles à remplir dans ce monde, où nous comptons peu de vraies jouissances. Mais, plus votre sacrifice est grand, plus la force de votre âme s'accroîtra, je l'espère, et plus vous trouverez de consolation dans l'estime de vous-même. Toute action difficile, qui a un but noble et élevé, porte avec elle sa récompense. Qui m'ont dit, d'ailleurs, que vous ne serez pas bientôt rendu aux objets de votre juste affection? Cette guerre désastreuse ne peut durer toujours, les nations sont fatiguées de combattre. Je crains que la nôtre, répliqua le colonel, ne succombe enfin dans la lutte, et n'ait à subir tôt ou tard le joug de l'étranger. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la peine que j'éprouve en m'éloignant de ce que j'ai de plus cher au monde, je n'en serai pas moins dévoué à mon pays. Ici, devant l'ami de ma jeunesse, continua-t-il en pressant la main de Monsieur de Bonnier, J'ai pu m'abandonner pendant quelques instants à la faiblesse de mon cœur, mais, en face de l'ennemi, j'ose croire que mon courage ne faillira pas. Promettez-moi seulement de veiller sur ma famille, de la diriger toujours par votre sagesse et votre prudence. Ah, je m'y engage bien volontiers, tant qu'il plaira à Dieu de prolonger mes jours, s'écria le digne nu, retenant un sanglot près de lui échappé. Adieu, mon fils, adieu. Tous deux alors se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, ils y restèrent un moment dans une douloureuse étreinte, puis le vieillard étendit la main sur le front du guerrier, qui reçut à genoux sa bénédiction, et ils se séparèrent. Pendant que cette scène se passait au presbytère, tous les habitants du château étaient plongés dans la tristesse, les chevaux étaient mis à la voiture, l'heure du départ allait sonner. La baronne et Lucie suivaient avec angoisse les mouvements de la pendule, tandis que Juliette, debout auprès d'elle, versait des larmes. Le baron, en rentrant, vit ce groupe qui renfermait ses affections les plus tendres, et sentant la nécessité de brusquer son ne pas céder à la douleur qui l'oppressait, embrassa étroitement sa femme et sa fille, prit sur ses lèvres la main de l'orpheline, et sortit précipitamment, sans pouvoir articuler un seul mot. Un instant après, le bruit des roues annonça qu'il s'éloignait. Chapitre 8. Le chrétien se regarde toujours, comme un voyageur qui passe ici-bas dans une vallée de larmes, et qui ne se repose qu'au tombeau. Chateaubriand. Plongée dans un morne désespoir, la baronne resta deux jours comme anéantie. Il semblait qu'un pressentiment funeste s'attacha pour elle à ce cruel départ, une crainte vague l'avait saisie au moment où son mari s'était éloigné, et ce ne fut qu'après bien des efforts que Juliette réussit à lui rendre un peu de calme et d'espérance. Mais tandis que cette dernière prodiguait à un époux affligé, toutes les consolations que son cœur lui suggérait, une profonde inquiétude la dominait elle-même. Le bon curé, pour lequel elle éprouvait une affection toute filiale, n'avait pu voir le départ du colonel, dans les circonstances où se trouvait alors la France, sans en être vivement affligé. Cette affliction, qu'il cherchait à dérober sous l'apparence d'un grand calme, avait produit sur sa santé, déjà très chancelante, un effet si funeste, que peu de jours après il fut dans l'impossibilité de venir au château, et même de continuer l'exercice de son ministère. Les paroles qui lui étaient échappées sur sa fin prochaine, se retracèrent alors à l'esprit de Juliette d'une manière plus sinistre encore, et elle n'eut plus un moment de repos. Enchaînée auprès de Madame de Granville et de Lucie, qu'il fallait distraire sans cesse, comme toutes les personnes qui ne sont pas habituées à supporter les peines de la vie, la pauvre enfant n'osait les quitter qu'une ou deux fois par jour pour aller s'assurer de l'état du vieillard, et quoiqu'elle eût installé Marianne auprès de lui dès qu'elle s'était aperçue que sa situation exigeait des soins particuliers, elle regrettait amèrement de ne pouvoir se consacrer elle-même à cet ami si cher, c'était le plus grand sacrifice qu'elle pût faire à ses devoirs. Un matin qu'elle se rendit chez lui comme de coutume, elle apprit que depuis la veille, il s'était senti si oppressé, qu'il n'avait pu quitter le grand fauteuil où il se reposait ordinairement, et elle fut si frappée de l'altération de ses traits, qu'elle résolut à l'instant de ne plus le quitter, et fit dire au château qu'on ne l'attendit pas. La situation de Monsieur de Bonnier n'avait d'autre caractère qu'un affaissement général, cependant il était aisé de voir que cet affaissement tendait à une prochaine destruction. Son médecin, qui, ainsi que tous les habitants de Berre, lui portait un vif attachement, était assis à ses côtés quand l'orpheline entra. Elle l'interrogea du regard, et ne put démêler d'abord ce qu'il pensait de la position de son malade, qu'il ne voulait point alarmer manifestant ses craintes, ou plutôt ses tristes convictions, mais, quand il sortit, Juliette apprit, en le reconduisant, qu'il ne conservait nulle espérance. « Dans quelques heures, dit-il d'une voix émue, tout sera fini pour cet homme de bien. Il m'a questionné sur son état, et j'avoue que je n'ai point eu le courage de lui dire la vérité. Je lui ai laissé croire que sa vie pourrait se prolonger encore. Accablée sous le poids d'un si funeste arrêt, la malheureuse jeune fille resta immobile pendant quelques minutes, aucune plainte cependant ne sortait de sa bouche, elle avait déjà tant appris à supporter les afflictions, mais comme en cet instant toutes celles qu'elle avait souffertes se ranimèrent vives et poignantes au fond de son cœur. Incapable de rentrer sur le champ auprès de son vénérable ami, elle ouvrit une petite porte, qui communiquait du presbytère à l'église, et elle s'agenouillait dans ce temple rustique où chaque jour, elle venait unir sa prière à celle des bons villageois. L'église était déserte, elle put y gémir en liberté, se rappelant toutefois que ses soins pouvaient être utiles à son cher malade, bientôt elle retourna près de lui, s'efforçant de lui dérober les traces de sa douleur. Sur un signe du vieillard, Marianne, qui le servait avec le zèle le plus affectueux, laissa l'orpheline seule avec lui. Approchez-vous, mon enfant, dit-il à cette dernière d'une voix très affaiblie, venez me donner une preuve de votre affection, celle-là, ma chère Juliette sera la plus précieuse de toutes, et je l'attends de vous, comme de l'âme la plus véritablement chrétienne que je connaisse. Écoutez-moi, je crois que ma fin approche. Depuis longtemps déjà je la pressentais, vous le savez, et Dieu m'a fait la grâce de m'y préparer, mais maintenant qu'il me semble la sentir plus près encore, je voudrais être tout à fait éclairé sur mon état. Vainement j'ai questionné le médecin, il a cherché à me rassurer, et ne m'a pas répondu comme je le désirais. Vous aussi vous l'avez interrogé, sans doute, et il a dû vous dire la vérité, c'est elle que je vous demande, ma fille, parlez, parlez sans crainte, quelques devoirs me restent à remplir, et, si tout est prêt de finir pour moi, vous comprenez combien il importe que je me hâte. À cette question si inattendue, l'orpheline fondit en larmes, et tomba éperdue aux pieds du vieillard, sans pouvoir articuler un seul mot, il comprit cette muette réponse, et, ayant sonné, il donna des ordres à voix basse à la vieille ménagère qui le servait, puis, se retournant vers Juliette, il lui dit avec le calme d'un ange, « Ne pleurez pas, mon enfant, vous savez que la mort du chrétien, n'est que la fin de son exil sur la terre. Le mien a duré 80 ans, ne regrettez pas qu'il finisse, priez plutôt le Seigneur d'étendre ses miséricordes sur une âme qui n'aspire, qu'à rentrer dans la céleste patrie. » Juliette, toujours à genoux, continuait à verser des pleurs. Il la bénit, et ajouta, « Allez, ma fille, allez au pied des saints autels, c'est là que vous retrouverez des forces et des consolations. Si, comme je l'espère, quelques jours heureux brillent encore pour vous en ce monde, n'oubliez pas l'ami qui vous chérissait, soyez toujours bonne et vertueuse, et nous nous retrouverons là où il n'y a plus que des joies à compter. » En cet instant, un prêtre entrait auprès du vénérable curé, et Juliette se retira, pouvant à peine se soutenir. La baronne et Lucie arrivaient, elle les conduisit à l'église, où déjà tous les habitants de Berre, qui avaient appris le danger de leur saint pasteur, se portaient en foule. Une profonde affliction se peignait sur leur visage. Tous se mirent en prière, et jamais peut-être le ciel ne fut invoqué avec une ferveur plus sincère ni plus touchante. Peu d'instants après, le tintement d'une cloche annonça que l'on allait porter le saint viatique à celui pour lequel tant de vœux s'élevaient vers Dieu. Oh, qui pourrait entendre, sans un moment de tristesse et d'effroi, ce son lugubre qui précède la mort. L'impie lui-même ne saurait rester insensible, car il avertit que lui aussi devra paraître un jour devant le souverain juge, et que les espérances sublimes du chrétien ne lui suivront pas. Saisi d'une vive douleur, mais d'un profond respect pour l'acte religieux qui allait s'accomplir, tous les habitants accompagnèrent le saint viatique jusqu'à la demeure du mourant. Là, prosterné devant sa chambre, qui était située au rez-de-chaussée, et dont les fenêtres étaient ouvertes, ils purent contempler encore ces traits vénérables, qui tant de fois s'étaient ému au récit de leurs mots, ils respiraient alors une joie ineffable, et semblaient éclairés d'un rayon de la gloire céleste. Après avoir écouté dans un profond recueillement, les paroles que lui adressa le prêtre, Monsieur de Bonnier reçut les sacrements, puis, rassemblant le peu de force qui lui restait, il jeta sur ses paroissiens un regard plein d'affection, et leur dit, « Mes amis, mes enfants, je vais vous quitter, mais nous nous rejoindrons dans le sein de Dieu, je me sens heureux de mourir ainsi au milieu de vous. Ne m'oubliez pas dans vos prières. J'emporte la douce espérance que vous resterez attachés à la foi de vos pères. Ne négligez aucune des pratiques de notre sainte religion, elles seules peuvent nous faire marcher d'un pas ferme dans la route du salut. Soyez toujours unis, secourez-vous les uns les autres, et le Seigneur vous bénira comme je vous bénis. » En cet instant la voix du saint homme s'affaiblit, il resta quelques minutes la tête penchée, on crut que c'en était fait, et les pleurs redoublèrent, mais peu d'instants après il se ranima, aperçut la baronne qui s'était agenouillée auprès de l'orpheline dans un coin de la chambre, et lui ayant fait signe d'approcher, il la chargea de ses plus tendres adieux pour son cher élève. Sentant ensuite ses forces décliner, il demanda la prière des agonisants, elles furent à peine achevées qu'il s'endormit doucement dans le Seigneur, sans qu'il parût avoir éprouvé la plus légère souffrance. Chacun des assistants regrettait dans cet homme de bien un père, un ami, un bienfaiteur, et sa mort fut une calamité publique, qui répandit la désolation dans tous les cœurs. Accablée d'un coup si funeste, l'orpheline trouva cependant une sorte de consolation dans ce deuil général, qui sympathisa si bien avec sa propre douleur. Elle reconduisit la baronne et Lucie au château, mais elle obtint de revenir ensuite, avec Marianne prier auprès des restes de son vénérable ami, où la foule se pressait dans un religieux silence. Le lendemain, les autorités du lieu firent l'ouverture d'un testament que Monsieur de Bonnier avait laissé, et les regrets qu'excitait sa perte, redoublèrent encore lorsqu'on apprit que son patrimoine, qui avait été constamment celui des pauvres de sa paroisse, leur était entièrement légué, à l'exception d'une somme de 12 000 francs qu'il laissait à Juliette. « Je désire, disait-il en parlant de ce dernier legs, que l'intéressante orpheline, amenée vers moi par la Providence, trouve dans ce léger don une marque de ma constante sollicitude pour elle. » Juliette, quoique étrangère, s'était généralement fait aimer à Bert par ses qualités aimables, sa bienfaisance et toutes les autres vertus qu'elle pratiquait, aussi cette disposition du bon curé, parut à tous une juste récompense offerte au mérite. Mais comment exprimer les nouvelles impressions, qui se gravèrent dans l'âme de l'orpheline en recevant ce bienfait si inattendu, et qui était pour elle une preuve si touchante de l'affection de son digne ami. « Ah ! Se dit-elle en versant un torrent de larmes, tout en veillant jusqu'à son dernier jour au soulagement des malheureux, il a voulu laisser entre mes mains, un dépôt qui me mit à même de perpétuer ses charités, ce dépôt sera sacré pour moi, jamais ma main n'essuiera les pleurs de l'infortune qu'au nom de mon généreux bienfaiteur. » Le jour des funérailles, Juliette eut le courage de se joindre à la foule qui accourait de tous côtés pour rendre un dernier hommage au saint pasteur. Ce jour-là les travaux des champs avaient été suspendus, un morne silence régnait d'un bout à l'autre du village, et tous les habitants, pauvres et riches, se rendirent à la cérémonie, portant sur eux quelques signes extérieurs du deuil qu'ils avaient dans le cœur. Tous aussi s'y tinrent dans un recueillement qui annonçait combien leur prière était fervente, mais quand il fallut se séparer pour jamais de l'objet de leurs regrets, quand ils virent se refermer la tombe où l'on avait déposé ses restes vénérés, leur douleur ne se contint plus, et une explosion de sanglots se fit entendre. « Qui nous aimera comme il nous aimait, qui soulagera maintenant notre misère, disaient les uns. Qui nous guidera, qui nous consolera comme lui, disaient les autres, il était si bon, si compatissant. » Et chacun s'en allait, le cœur gros de soupirs, racontant tout ce qu'il devait à l'homme vertueux qui, depuis 10 ans, avait été pour eux tout le meilleur des pères. « Quelle vie et quelle mort !» s'écriait-on de toutes parts, et les pleurs recommençaient à couler. Heureux, mille fois heureux celui que de tels regrets, accompagnaient sa dernière demeure. C'est là assurément la plus belle de toutes les oraisons funèbres. Chapitre 9. Le courage moral est l'attribut de la femme, surtout quand elle le puise dans sa confiance en Dieu. La malheureuse orpheline était si accablée en rentrant au château, qu'elle fut plusieurs jours sans pouvoir se livrer à ses occupations ordinaires. La raison cependant finit par reprendre sur elle assez d'empire pour lui faire renfermer au fond de son cœur la vive affliction dont elle était pénétrée. N'avait-elle pas appris sur les bords de la Bérésina à supporter des douleurs plus cruelles encore? Le malheur est un si grand maître, lorsqu'on veut écouter ses leçons. Juliette avait d'ailleurs pour se soutenir dans cette dernière épreuve, une pensée qui ne la quitta jamais, celle de se rendre digne, par sa résignation et son courage, de cela même dont elle déplorait la perte. Le moment où elle retourna pour la première ibis à l'église de Bert, après la mort de son vénérable ami, fut néanmoins bien terrible pour elle, là, plus qu'ailleurs encore, ses souvenirs étaient déchirants. Mais là aussi se trouvaient des consolations puissantes que son âme sut goûter. La baronne et Lucie, qui l'avaient accompagnée, admirèrent, en sortant du saint lieu, quelle sérénité avait succédé dans ses traits à la sombre tristesse qui s'y peignait auparavant. « Que vous êtes heureuse, lui dit son élève, de pouvoir ainsi maîtriser toutes les affections de votre âme. Assurément je ne me sens pas un tel courage, et je crains bien de ne l'avoir jamais. « Pourquoi, ma chère Lucie, répondit Juliette avec un sourire mélancolique, pourquoi désespérer ainsi de soi-même? Aidée de la grâce, on parvient, sinon à surmonter ses peines, du moins à s'y résigner, mais pour cela il faut regarder au ciel, il faut ouvrir son cœur aux douces, aux puissantes consolations du christianisme, qui ne nous défend point les larmes, qui sait même les essuyer en nous offrant des espérances qui surpassent tous nos maux. C'est dans ces espérances si grandes, si sublimes, ma chère Lucie, que j'essaie chaque jour de puiser le courage que vous semblez m'envier. Comme vous, je suis bien jeune encore, et pourtant j'ai déjà éprouvé de vives souffrances, d'amers chagrins. Hélas, la douleur n'est-elle pas de tous les temps? Si je m'étais abandonnée à toutes celles qui ont pesé et qui pèsent encore sur moi, que serais-je devenue? Où sont ceux qui ne se seraient pas lassés de la manifestation continuelle de mes peines? Vous, la première, eussiez-vous souffert avec plaisir, pour compagne de V. aux jeunes années, une personne dont les larmes ne se fussent jamais taries? Bon, non, ne le croyez pas, on sympathise volontiers avec le malheur, mais cette sympathie si naturelle qu'elle soit au bon cœur, n'empêche pas qu'il ne finisse par se fatiguer de tableaux lugubres. C'est donc par nécessité, comme par religion, que nous devons nous efforcer d'être courageuses, et résignées au milieu des peines de la vie. Du reste, ma jeune amie, ajouta l'orpheline en soupirant, puissiez-vous ne jamais avoir besoin d'un tel courage, il en coûte trop pour l'acquérir. Avec vous je l'aurai peut-être, répondit Lucie en se jetant au cou de son institutrice, car je sens que vos exemples et vos leçons, se gravent bien avant dans mon cœur. Ces leçons, recueillies si utilement par la jeune fille, étaient aussi d'un effet salutaire pour la baronne, qui plus que jamais avait besoin d'être soutenue au milieu du chagrin et des tourments dont elle était abreuvée. La mort du vénérable curé avait suivi de trop près le départ du colonel pour que cette perte, si vivement sentie de tous, ne réveillât pas dans son esprit les funestes pressentiments qu'elle s'était efforcée d'en écarter, sans cesse elle était poursuivie par l'image des dangers de son époux, et ses craintes continuelles la jetaient dans un découragement qui minait sa santé et ses forces. Un état si alarmant n'échappa point à Juliette, et, son attachement pour la baronne, lui faisant un devoir de chercher à y remédier, elle s'oublia elle-même pour ne songer qu'à rendre un peu de calme à cette amie, qui chaque jour lui devenait plus chère. Ce ne fut pas par des consolations banales, que les indifférents formulés que les affligés repoussent, qu'elle essaya de ranimer son courage, ce fut en lui montrant une affection tendre et dévouée que la plainte ne lasse jamais, en l'entourant de ces prévenances délicates que le cœur inspire, et que lui seul peut inventer, en réunissant autour d'elle toutes les distractions qui pouvaient lui plaire, enfin, en l'intéressant aux peines d'autrui, et en lui offrant l'occasion de faire des heureux. De tous les moyens de consolation, ce dernier est assurément le plus puissant, parce qu'il donne à l'âme affligée le seul aliment qui lui convienne. Plus elle souffre, plus elle sent le besoin de s'identifier aux maux qu'elle voit souffrir, et le plaisir qu'elle trouve à les soulager devient un allègement pour ceux qu'elle endure. C'est ainsi que Madame de Granville, en répandant autour d'elle de nouveaux bienfaits, en s'occupant sans cesse d'améliorer le sort des familles indigentes, qui venaient alors lui parler avec une entière confiance de leurs besoins, retrouva la force de vaincre son abattement, et de reprendre les études qu'elle avait si heureusement commencées sous la direction de sa jeune amie. Un peu de tranquillité rentra donc au château, les lettres du colonel y arrivaient irrégulièrement, et, quoiqu'elles fussent empreintes d'une grande tristesse, augmentée encore par la mort du bon curé, elle respira toute une si vive tendresse, que la baronne y puisait toujours un nouveau courage. Mais, hélas, le calme dont elle jouissait, et que l'orpheline s'efforçait d'entretenir, ne devait pas être de longue durée. Les événements politiques, qui se pressaient alors avec une incroyable rapidité, devinrent chaque jour plus graves et plus menaçants. Toutes les nouvelles qui arrivaient de l'armée, annonçaient d'irréparables pertes pour la France, et presque toutes les familles étaient dans le deuil, ou dans la plus douloureuse attente. Cette profonde inquiétude, qui avait succédé à l'enivrement de tant de triomphes, ne tarda pas à s'étendre jusque chez Madame de Granville. Depuis quelques jours aucune lettre du colonel ne lui était parvenue, déjà de mortelles alarmes s'étaient emparées de son cœur, lorsqu'un matin, ouvrant avidement un journal dans l'espoir d'y trouver quelques nouvelles du régiment de son mari, elle apprit que ce régiment, après s'être vaillamment défendu contre les phalanges russes, avait été taillé en pièces, et que son brave colonel, couvert de blessures, était tombé vivant au pouvoir des l'ennemi. Nous n'essaierons pas de peindre le désespoir de la malheureuse épouse à cette foudroyante nouvelle. Anéantie sous le coup qui la frappait, l'infortunée tomba dans un état qui fit trembler pour ses jours, une fièvre nerveuse des plus intenses se déclara, de violentes convulsions lui ôtèrent complètement l'usage de ses membres, et elle poussait continuellement des cris, qui déchiraient le cœur de tous ceux qui l'approchaient. Fixée nuit et jour à son chevet, Juliette la soignait avec toute la tendresse, toute la sollicitude dont son âme aimante était capable. C'était elle aussi qui soutenait le courage de la pauvre Lucie, qui sans son affection, eût succombé à sa douleur. Mais tandis que l'orpheline se voulait ainsi aux soins, que réclamaient la mère et la fille, que d'inquiétude, que de tourments la dévoraient. Sans cesse poursuivie par la pensée du brave colonel, elle cherchait dans son esprit quelque moyen de l'arracher à sa captivité, et se désespérait de n'en trouver aucun qui répondît à ses vœux. D'un autre côté, la maladie de la baronne, loin de diminuer, faisait chaque jour d'effrayants progrès. Pour comble de maux, on annonçait que les troupes alliées avaient envahi le territoire français, qu'elles s'avançaient à marche forcée sur divers points, notamment sur la route où était situé le village de Berre. À cette fatale nouvelle, la terreur s'empara de tous les esprits. Frémissant au seul nom des Cosaques, dont on leur avait fait les plus horribles peintures, les habitants des campagnes s'enfuyaient éperdus de leurs chaumières, emmenant avec eux les bestiaux et tous les objets qu'ils pouvaient transporter. Toutes les routes encombrées présentaient le bizarre et affligeant tableau de gens égarés par la peur, allant chercher un asile dans le lieu même où d'autres se disposaient à prendre la fuite. Au milieu de cet effroi général, la pauvre orpheline, livrée sans conseil, sans appui, au sentiment de la plus vive inquiétude, était bien plus occupée des dangers qui menaçaient ses deux amis que de ceux qui pouvaient l'atteindre elle-même, et elle se désolait en voyant l'impossibilité où l'on était de transporter sa chère malade, dont les souffrances et le délire allaient toujours croissant. Comment la préserver de ce nouveau malheur? Comment en garantir aussi cet enfant, déjà si cruellement frappé dans ce qu'elle a de plus cher? Se disait-elle avec angoisse en considérant l'état de Madame de Granville, à laquelle le plus léger mouvement arrachait des cris plaintifs. Un jour que Juliette était absorbée dans ses pensées douloureuses, à côté du chevet de la baronne, elle entendit tout à coup retentir dans le village, que les principaux habitants avaient abandonné, un bruit extraordinaire qui la fit frémir malgré elle, en songeant qu'il pouvait être l'annonce des maux qu'elle redoutait. Au même instant, en effet, Lucie, qui était descendue pendant quelques minutes au jardin, accourut précipitamment vers la chambre de ses mères, et se jetant éperdue dans les bras de son amie, « les Cosaques, lui dit-elle d'une voix sourde, je les ai vus, ils sont à la ville du château. Marianne, à leur approche, m'a dit de venir ici me renfermer avec vous et ma pauvre maman. André, le fils de Christine, est en bas avec plusieurs de nos bons paysans, tout vous conjure de ne pas vous montrer, ils sauront bien, disent-ils, nous défendre contre ces barbares. Ces derniers mots redoublèrent encore les frayeurs de l'orpheline, car ils comprenaient qu'une folle résistance pouvait compromettre la sûreté du château. S'avançant aussitôt vers l'antichambre, où se tenaient ordinairement deux femmes de service, elle chargea l'une d'elles d'aller recommander en son nom à Marianne et à André de se comporter avec prudence envers cette troupe, que le droit de la guerre rendait en ce moment maîtresse de leur vie, et de lui accorder tout ce qu'elle exigeait, plutôt que d'engager une lutte où nécessairement elle aurait l'avantage. Juliette savait que cet ordre serait respecté, parce qu'elle était trop généralement chérie pour qu'on voulût l'enfreindre. Peu d'instants après, la même femme revint, la pâleur sur le front, fermant derrière elle toutes les portes, et en s'écriant que la maison était envahie par une compagnie entière de Cosaques, dont la barbe longue et les pics gigantesques feraient mourir de peur les plus intrépides. « Que font Marianne et André ?» demanda l'orpheline en s'efforçant de modérer l'effroi dont elle était frappée. « Hélas ! Mademoiselle, pour se conformer à vos ordres, il distribue à ces sauvages tout ce qu'il y a de provisions au château, mais il n'y en aura peut-être pas encore assez pour un si grand nombre, alors Dieu sait ce que nous deviendrons, ils ont l'air si voraces, si cruels. Déjà ils furent partout et se promènent dans tous les appartements, s'asseyant sur les plus beaux meubles, comme sur leurs bancs de caserne, enfin, la maison est au pillage, et bientôt peut-être ils nous égorgeront tous. La malheureuse, en faisant ce récit, se tordait les bras de désespoir, et ce ne fut pas sans peine que l'orpheline obtint d'elle de se modérer un peu. De retour auprès de la malade, qui, heureusement, n'était pas en état de partager les frayeurs communes, Juliette fit sur elle-même des efforts inouïs pour rassurer son élève, qui, pâle et tremblante, était comme terrifiée en regardant sa malheureuse mère. « Prions, ma chère Lucie, lui dit-elle, c'est dans la prière seule que nous trouverons la force dont nous avons. N'est-ce besoin dans un pareil moment ? Songeons à votre mère, qui la soignerait, qui veillerait sur elle si nous nous laissions abattre. N'est-ce pas à nous à la garantir de tous les dangers qui l'environnent, et à mourir, s'il le faut, pour la défendre ? Lucie, la tête penchée, resta pendant quelques instants, comme suffoquée par les larmes qui l'oppressaient, cédant néanmoins au conseil de son amie, elle tomba à genoux, et pria avec d'autant plus de ferveur, qu'en ce moment les cris et le tumulte que l'on entendait dans le château, redoublaient encore son épouvante. Ces cris, hélas, retentissaient aussi dans le cœur de l'orpheline, et y répandaient un mortel effroi, car elle avait trop entendu parler des cruautés des Cosaques pour ne pas les craindre, et rappelant les terreurs de sa mère au nom seul de ses barbares, elle se disait, dans l'amertume de son cœur, « C'est pour les fuir, c'est pour me sauver de leur approche que cette tendre mère m'a enlevé au sol natal, et qu'elle a péri dans les flots, les mains. Voici sans défense au milieu des mêmes périls, dont elle voulait me préserver. Ô mon Dieu, ayez pitié de nous. daignez étendre votre main puissante sur cette maison, où je fus recueilli dans ma détresse. Si vous voulez que je meure, épargnez du moins cette femme infortunée, cet enfant que j'élevais dans votre amour, épargnez aussi ma fidèle Marianne, et ce bon André si nécessaire à sa famille. Cette fervente prière fut interrompue par la baronne, dont le délire était toujours le même. Cérus le Turon, dit l'infortunée d'une voix à peine intelligible. Voyez ses blessures, elle saigne encore, et les barbares le chargent de liens. Ah, courez, courez donc à son secours. Ils l'emmènent sur leur terre glacée. Ils le jettent dans une affreuse prison. Il va périr, mon Dieu. Et la malheureuse épouse retomba de nouveau, comme anéantie sur le bras de Juliette, dont l'âme était déchirée par toutes les douleurs à la fois. La pauvre Lucie, toujours à genoux, étouffait ses sanglots, en pressant sur ses lèvres les mains brûlantes de sa mère. Pendant que cette scène désolante se passait, de nouveaux cris se firent entendre, et une lutte terrible s'engagea à la porte extérieure de l'appartement de la malade. Les deux femmes qui en gardaient l'entrée accoururent en décriant, « Ils sont là, en dehors de l'antichambre, ils veulent pénétrer ici. » Marianne et André se débattent contre eux avec les gens du château, mais ils ne peuvent les arrêter. Ils vont enfoncer la porte. Que faire, que devenir, mon Dieu? Il faut veiller ici sur votre maîtresse, dit Juliette en déposant la tête de la mourante sur son chevet. Je vous la confie, avec M. de Granville. Au ciel, quelle est votre intention? Où allez-vous, ma bonne amie? S'écrie Lucie éperdue. Je vais parler à ces hommes, réponds, orpheline, je sais leur langue, ils m'écouteront peut-être. Chère Lucie, laissez-moi, je vous en conjure, je veux sauver votre mère de leur fureur. Au nom de Dieu, ne me suivez pas. Se dégageant alors des bras de son élève, elle la remet dans ceux des deux femmes éplorées, ouvre la porte, qu'elle referme aussitôt à double tour, et traverse la pièce voisine en dehors de laquelle les cris se font entendre. La voix suppliante de Marianne, les paroles étouffées du pauvre André, se débattant au milieu de cette troupe furieuse, retentissent douloureusement dans son cœur. « Nous tuez-vous si pas ouvrir, hurlait un des Cosaques, vous avoir ici des trésors cachés. Oui, répond courageusement l'orpheline en paraissant tout à coup à leurs yeux, oui, nous avons un trésor, mais celui-là ne peut satisfaire votre cupidité, c'est une femme expirante que nous voulions dérober à vos fureurs. Irez-vous porter l'épouvante et la menace jusqu'au lit où elle se débat contre la mort? Souillerez-vous vos drapeaux par une odieuse barbarie, qui vous couvrirait à jamais de honte? Vous ne sauriez pourtant oublier que l'empereur Alexandre, en touchant le sol français, vous commanda de respecter vos ennemis sans défense? Croyez-vous donc qu'il ne punira pas cette coupable infraction à ses ordres? N'êtes-vous plus ses soldats, et braverez-vous sans frémir le châtiment dû à votre action criminelle? Ah, plutôt, cédez, je vous en conjure, à la voix d'une de vos compatriotes qui vous implore, qu'un sentiment d'honneur vous rappelle à vous-même. Mais déjà vous paraissez m'écouter sans colère, déjà vous semblez être touché de mes pleurs. Merci, mille fois merci de ce généreux M. mouvement d'humanité. Maintenant je ne crains plus rien pour cette maison où ma jeunesse fut recueillie, maintenant je puis me glorifier encore d'être moscovite. Les Cosaques, en effet, étaient, là comme fascinés sous le regard de cette jeune fille qui venait de leur adresser, dans leur propre langue, des paroles aussi énergiques que touchantes. Frappés d'admiration et de respect pour elle, craignant aussi sans doute les punitions, dont elle venait de les menacer, ils se retirèrent à petit bruit, en lui promettant de quitter le château, et quelques minutes après ils s'en éloignèrent, qu'on juge de la joie que chacun éprouva après leur départ. Ceux qui avaient été témoins de cette scène, ne pouvaient se lasser d'admirer le courage de l'orpheline. Marianne, les larmes aux yeux, la pressait dans ses bras avec orgueil, et chacun l'appelait la libératrice de tous. Elle se déroba à leur reconnaissance pour retourner auprès de la baronne, où Lucie l'attendait dans la plus horrible anxiété. « Rassurez-vous, ma bien-aimée, lui dit-elle en l'embrassant, nous n'avons plus rien à craindre de ces hommes, ils s'en vont, ils quittent le château. Bénissons le Seigneur, sa main tutélaire s'est étendue sur nous, et elle continuera de nous protéger désormais, j'espère, mettons en lui toute notre confiance. » En cet instant la baronne ouvrit les yeux, les fixa un moment sur sa fille, puis sur sa jeune amie, qu'elle parut reconnaître. « Et quoi, ne le rendez-vous pas à ma tendresse, lui dit-elle. Hachez dans votre pays, et vous le laissez à ses bourreaux? N'y a-t-il donc là aucune âme ouverte à la pitié ?» Après ce peu de mots, elle s'arrêta comme épuisée par l'effort qu'elle venait de faire, et ne prononça plus que des paroles sourdes et incohérentes. Le médecin, qui arriva, trouva cependant une légère amélioration dans le pouls, mais il ne put répondre que cette amélioration se soutint. Juliette paraissait, épuisée par la fatigue et les émotions violentes qu'elle venait d'éprouver. Déjà, depuis plusieurs jours, le docteur, qui lui portait le plus vif intérêt, l'avait supplié de prendre quelque repos, toujours elle s'était refusée à ses instances, des peurs de s'éloigner un seul moment de sa chère malade, cette fois il la vit si pâle, si abattue, qu'il insista de nouveau, lui promettant de ne pas quitter la baronne de toute la nuit, si elle accédait à sa prière. Marianne, qui survint, lui fit la même promesse, et parvint enfin à l'entraîner avec Lucie, qui, non moins accablée, ne tarda pas à se livrer au sommeil. Malgré son extrême abattement, l'orpheline ne put imiter, qu'après avoir longtemps réfléchi encore aux moyens d'opérer la délivrance du colonel, à laquelle était attachée la vie de sa malheureuse épouse. Mille projets s'offrirent successivement à son esprit, un seul parut lui offrir quelques chances de succès, elle s'y arrêta et finit par s'endormir, décidée à le mettre à exécution dès, et ce lendemain à son réveil.